Merci à tous pour cette semaine. On va vous retrouver dimanche soir. Dimanche soir, on sera là. On sera sur TF1. Oui, pas à la radio. Pas à la radio. Je me disais bien. Mais oui, nickel. Je me dis, mon Dieu, mais que vont-ils faire? Qu'est-ce qui se passe? Attends, on vient t'espionner. Avec plaisir, donc si tu veux, pas de problème. On va passer à la télé, Mickaël. Quelle star. On se la raconte un peu. Ouais. Attends, mais ça fait plaisir. Hein. Ça va prévenir toute la famille. Là, reportage sur Love in Fun dans 7 à 8. C'est quelle heure d'ailleurs ça? C'est à partir de 18h. À 18h30 sur TF1, présenté par Harry Roselbach. À 18h30, c'est une logique implacable. Mais voilà, tu vois ça avec TF1. Responsable de rien, mais en tout cas, on passera dans les coulisses, les coulisses de l'émission. Vous pourrez voir tout ça dans le magazine 7 à 8. C'est une très bonne idée, j'aime TF1. C'est très bien, TF1. Et dis donc, Kariba. Oui. J'ai toujours quelqu'un de présenter, moi. On t'a présenté Gilou hier. Oui. J'ai Philippe ce soir. Tu m'en as tellement parlé. Ah oui, c'est vrai. On a pris le métro avec Karima tout à l'heure, on était bien. C'était le cas des deux qui savaient par où aller, c'était parfait. On était perdus, il y avait deux stations à faire, donc c'était cool, mais bon. Mais on a eu le temps de parler de Philippe. Oui, exactement, Philippe, c'est celui-là, je te le présente. Les doigts d'achat et tu sens ton cul. Voilà, il est tellement sympathique. C'est poétique, c'est un poète. Exactement. Qu'est-ce que je fais? Il avait besoin. Je préfère Gilou encore. Non. tu préfères Gilou? Oh, écoute. Non, mon choix définitif, c'est Polo. Qu'est-ce qu'il fait, Gilou, là? Il se masturbe. Je te sucerai le sang, écoute. Oh là là. Et Karima, qu'est-ce qu'elle te fait, Karima? Oh, arrête de me faire manger. D'ailleurs, il avait une question pour toi, Karima. Tu aimes le sperme? Elle va vomir. Si tu continues, Mickaël, elle vomit dans le studio. Oui, il y a de fortes chances. Oui, ça va bien se passer, mais Toff sera là pour nettoyer. Hein. Je l'aiderai. Il y a pas de problème. Bon, bonne soirée. Bon long week-end. C'est plus qu'un tunnel. Là. C'est un pont, c'est un viaduc. Bon, amusez-vous bien. Et puis, pour ceux qui sont en banque de Love in Fun, donc dimanche soir, 18h30 sur TF1. Yes, et loveinfun.fr pour retrouver les meilleurs moments de l'émission. Vous avez un site internet? Ouais. Putain, il y a les moyens. On est 2.0, nous. Ah ouais, dis donc, c'est pas mal. Bon, allez, bonne soirée. Gros bisous, bonne émission, et à lundi. Et à lundi, ciao. Et puis on est parti jusqu'à 2h. C'est parti, bienvenue tout le monde. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Oh là là, on est bon ce soir là. J'ai plus de voix, je parle du nez, c'est la fête totale. On est bien. Vous l'entendez ou pas là? Non, pas encore. Non, ça va. Rassurez-vous, ça va venir. Hein, parce que là, j'ai pris mon spray là qui m'a servi pour faire la photo là quand j'étais en mode pharmacien cette semaine. Tout est là pour la voix. J'aurais peut-être dû demander, tiens, pour avoir plus d'infos au niveau de la voix, quoi faire. Puis le nez. J'ai mon petit spray également pour le nez. J'ai mes mouchoirs. Tout est là. Je suis prêt. Oh, on est bien. En plus, c'est bien, ce week-end, on va à Londres voir un concert, donc je vais être en pleine forme, comme d'habitude, ça va être cool. La dernière fois à Prague, j'étais malade. Là, maintenant, à Londres, je serai malade aussi. Au final, je serai pas trop chiant, quoi, ça qui est bien. Non, c'est bon, cool. Bah oui, c'est ça. Bon, en tout cas, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Mickaël No Limit, là. J'espère que votre journée s'est bien passée. J'espère que vous êtes prêts pour 3 heures de délire total. Ouais. Et oui, avec, bien entendu, notre ami Gilou qui est là, au taquet. Oh, arrête de me faire manger. Oh, écoute, c'est tellement gentil, Gilou, ça fait vraiment plaisir. La branlette, c'est sûr. Oui, et ça, c'est Philippe. On essaiera de la voir. On l'avait rencontré la semaine dernière. Et puis, donc moi, c'est Mickaël. On est sur Fun Radio du lundi au jeudi, 23h, 2h. Et attention, dimanche, on sera de retour de 20h à minuit pour passer avec nous à l'antenne. Et bien, vous faites dès maintenant le 01 42 48 5000 et le 02 851 4x0 pour la Belgique. Et vous arriverez comme Morgane qui est avec nous maintenant. Et d'ailleurs, dès dimanche, j'aurai des paires d'œufs à vous offrir. Enfin, oh, une paire d'œufs. Bon, L'hiver arrive, il commence à faire froid. Je me suis retrouvé quand même avec 17 pulls sur moi aujourd'hui, c'est-à-dire que j'étais frigorifié. Ah ouais, non mais grave. Mais c'est parce que j'ai pris le métro pour la première fois de ma vie à Paris et j'ai froid dans le métro, hein. Qu'est-ce que ce truc? Mais non, il fait chaud et ça sent la pisse. Oui, ça sent la pisse, ça, oui, effectivement, j'ai bien remarqué. Ouais. Ça dépend des stations. Hein. Oui, ça dépend des stations, c'est vrai. Bon, enfin. Bon, Morgane, comment vas-tu? Ça va bien à Nantes? En forme? Ça va, oui, doucement. Ça va doucement. Tu vas pas me sortir le c'est comme le temps ou non? Non. Ah bon, non. Ça. Ben voilà, rassuré alors. Bon, qu'est-ce qui se passe, Morgane? On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Alors, ma relation que je vis depuis un an et demi. Ouais. Voilà, avec un homme qui est en couple, avec un bien. Enfant. Bien. Bravo. Bravo. C'est tout ce ce que tu mérites. Voilà. Mais... bah si, c'est mal. Enfin, voyons, écoute. C'est mal. Bon, Morgane, on en parle dans quelques minutes. Reste avec nous. Okay. Sandro, qui elle n'a toujours pas de mec, alors que toi, t'en prends un, qu'il y en a deux. Enfin, t'as deux meufs, tu vois. C'est quand même scandaleux. Si tu rappelles ton ex, Sandro, j'y pensais comme ça. Mon ex ? Bah oui. Ouais, parce que, le ça nouveau ne veut pas hein. venir. Donc, il y a un moment, il faut peut-être rappeler l'ancien pour voir un peu. C'est ce que si, je fais hein, de temps en temps. Voilà, c'est ça. Ça peut être dur de rabibocher avec l'ex, non ? À rabibocher, non, peut-être pas, mais. Bon, en tout cas, un plan cul, quoi. Voilà. Voilà, Sandro. Alors, la semaine dernière, Sandro recherchait un mec. Cette semaine, elle est tellement en galère qu'elle recherche un plan cul. Donc, voilà. Si vous êtes disposé, n'hésitez pas. Bon, Toff, ce serait bien proposé, mais comme on part à Londres ce week-end, c'est pas possible. Je peux pas tout faire. Bah, il peut pas tout faire, effectivement. Bon, en tout cas, j'espère que toi, t'es prêt. Parce que j'ai le dossier. Hein. Pour ceux qui étaient avec nous hier soir, je vous avais demandé. Ouais, je vous avais demandé pendant toute l'émission celui qui avait un dossier avec preuve sur Toff par rapport au. Bon, vous savez que Toff est un gros enculé. Hein ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Avec les meufs, c'est vraiment la pire crapule du monde. Il prend des monts et merveilles à toutes les meufs. Tout. Il se fout de la gueule de toutes les meufs. Ouais. Et le pire, c'est qu'il n'y en a aucune qui. Toutes les meufs sont persuadées qu'avec elles, ce sera pas le cas. Ouais. Tu vois, alors qu'en fait, c'est toujours pire. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait bien d'avoir une auditrice qui a été la victime de Toff. Oui, car et c'est donc... un salopard. Exactement. Cet homme est un salopard, vous serez puni. Complètement puni. Et donc, voilà, je voulais avoir des preuves. Voilà. Donc, si vous étiez une auditrice ou un auditeur et que vous aviez des dossiers sur Toff avec preuves, eh ben, il fallait nous les envoyer le dossier. On a eu Clem qu'on va récupérer dans quelques minutes, qui elle a un dossier. J'ai dû l'analyser cette nuit. Ça m'a fait dormir très tard cette affaire là. Hein. Tout ça pour parler c'était un gros dossier. Ah quoi. Bah ouais, tout ça pour parler de Toff. Hein. Vous êtes déséquilibré. Et oui, il est complètement déséquilibré. Effectivement, c'est même, je dirais même un. Ah bah, alors vous êtes un salaud. Eh ben complètement, et voire même vous êtes même un dégueulasse. Complètement, voilà, je pense que tout est dit, on ne peut pas faire mieux. Donc ça va arriver dans quelques minutes. Et puis on va faire également connaissance avec de nouveaux amis ce soir. On appellera des personnes au hasard pour leur poser une question. Je sais pas encore laquelle, mais on va bien fouiller d'ici quelques minutes. Et puis, hey, Clem, t'es là Clem? Elle n'est pas là Clem, on va essayer de la prendre dans quelques minutes. Il y a Polo également avec le pipeau, bien entendu, comme d'habitude. Le meilleur pipoteur du monde. Ah oui, qu'est-ce qu'il est fort. Ah, quel talent. Et comme tous les soirs aussi, on suivra l'évolution du top tweetos. Si vous voulez participer, bah, y a rien de plus simple. Vous envoyez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chances d'être dans le top 5 à la fin de l'émission. Et comme hier, ce soir, on remettra un sextoy en jeu. Cool, c'est bon ça. Allez, offert par passagedudésir.fr. Voilà. J'ai oublié de saluer mes girls. Ah oui, bien sûr. Charline, girls. Miss Lorraine. C'est ça dégueulasse. Elodie, ouais. J'en ai inventé une. Ah oui, c'est bien, mais il en faut parfois aussi. Elodie, Colline et Nina. Voilà. Je vous embrasse les Nina, très bien, c'est une nouvelle maintenant, ouais. C'est parfait. Bon, bah très bien, si vous voulez venir parler avec nous, n'hésitez pas. Ce soir, je vous cale aussi le son magnifique d'Eminem et Rihanna. Pour ceux qui viennent de débarquer, ce n'est pas une chanson faite pour le sexe de Toff, hein, de Monster, pas du tout. Je pense que ça aurait pu. Ce serait plutôt même de Small Beat. Je vous cale aussi Global DJs avec Kids. Morgane, il y a un son que t'as envie d'écouter là ce soir, comme ça là ou pas? Non, j'aime bien tout. Comment, je t'entends mal, tu dis? Je dis j'aime bien tout ce que vous passez. Oh, c'est gentil, alors on mettra aussi Gaga. Ouais. Avec Do What You Want. Voilà, et puis on offrira, avant de vous offrir des dimanches, les paires de Hug. T'as une paire de Hug ou pas toi Morgane? Non. T'aimerais bien, c'est chaud, hein. Ça peut être pas mal ça pour l'hiver là, quand il fait bien caillant là comme ça là, très bien. Bon ben on offrira des dimanches et ben ce soir il y a la dernière Nintendo 3DS XL que je vous offre. Ce sera dans la colle avec notre ami Benjamin qui est avec nous. Salut Benji. Bonjour. Oui. Salut. Bonjour, comment ça va Benji? Très bien. Ça va bien, tant mieux. Bon alors, dis-moi, Benji, tu as une colle à poser puisque tu as envie de repartir avec la Nintendo 3DS XL, la dernière en plus. Alors attention, il n'en reste plus qu'une, elle est à gagner ce soir. Tu vas poser ta colle maintenant, on donnera la réponse comme d'habitude aux alentours de 12h30. Et bah à vous de jouer pour répondre, hein, soit par SMS, soit par Facebook. Avant ça, Benji, fais péter la colle. Donc ma colle c'est « Je gis mort dans mon trou et ma résurrection est dévastatrice. Qui suis-je ?» Alors, je gis mort dans mon trou et ma résurrection est dévastatrice. Wow. Dévastatrice. J'ai dit que j'étais malade, je suis pardonné de tout. Dévastatrice. Oui, comme c'est la dernière Nintendo 3DS XL, la question est compliquée. Enfin, la colle, en l'occurrence, c'est plus compliqué. Donc, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, et la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je recommence. Je repose la question. Benjamin, à ta place. Je gis mort dans mon trou et ma résurrection est dévastatrice. Qui suis-je? C'est ça, Benji? Oui, c'est ça exactement. Bon, une bah, vous de jouer. Une quoi? Une ex de Toff. Une ex de Toff, ouais, c'est peut-être une bonne qui idée. Va te tuer. C'est pas une ex de Toff, dis-moi, non? Oh non! Oh merde, putain, ça aurait pu. Oh bon bah allez-y, hein, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez lire la colle, je vous la mets en 30 secondes sur le Facebook de l'émission. Lire la colle et y répondre sur le Facebook, donc facebook.com/Mickaël officiel. Tu restes avec nous, Benjamin, il y a des messages de Dylan. Message de Dylan qui dit: Mickaël, réponse te plaît, tu viens de dire que tu vas à Nantes ce week-end. Non, pas du tout, je vais à Londres ce week-end, pas à Nantes. C'est sur le chemin. Voilà, c'est parce qu'il y a le concert de 30 Seconds to Mars que nous allons aller voir. Ouais. Voilà. Donc s'il y a un truc événement, dis-moi, je viendrai te voir et lors du rendez-vous. Non mais Dylan, t'inquiète pas, on passera à Nantes aussi, hein, vous inquiétez pas, mais pas ce week-end. Alexou aussi qui dit salut. Allez, ce soir je vais encore me taper une grosse barre comme tous les soirs. Il y a Olivounet qui dit nickel, hello la team. Ma journée était câlin avec ma chérie et gâteau parti maintenant au taf et qui c'est café parti. Bon c'est parti tout le temps toi, c'est parfait. Et puis Megumi qui dit Toff est juste honnête avec les filles alors que les autres mecs te font croire des trucs pour le même résultat. Mais c'était sérieux. Merci Megumi. Mais c'est le pire enculé de la terre. Il est honnête. Vous merci, vous rendez pas Megumi. Compte, c'est le mec le plus malhonnête avec les filles que je connaisse. Non, sérieux. T'es mauvaise langue. Non, t'es sérieux. Attends, on va faire un vote. Qui pense que Toff est honnête? Je lève la main. Honnête, voilà. Honnête. Ah honnête, bah non, bah je baisse la main. Malhonnête. Je lève la main. Sandro lève la main. Polo lève la main. Et Dexter il a levé la main aussi. Bon voilà. Même Toff lève la main. C'est ouais. Pour vous dire. C'est pour vous dire. Mais on en est venu à un point à se demander s'il se mentait pas à lui-même. Mais je pense qu'il se ment à lui-même. Je pense qu'il se ment à lui-même. Clem est avec nous là de Dax. Allô Clem. La tendresse. Oui, je suis là. Ça va Clem? Ça va et vous? Bah ça va bien ouais. Donc toi tu nous avais appelé parce que t'avais un dossier sur Toff. Tu m'as envoyé les preuves, j'ai eu l'occasion de le lire. On va en reparler dans quelques minutes Clem, tu restes avec nous? Ok ouais ça marche. Bon très bien, alors reste avec nous Clem. Il y a Renaud aussi qui dit bonsoir pour le plan cul. Je suis là, je kiffe trop. Je kiffe trop, elle est trop belle. Oui mais enfin Renaud comment t'expliquer qu'on a même pas encore fait les connaissances avec Morgane, que déjà t'es au taquet, c'est quand même assez improbable. Moi qui parle de Sandro ouais, parce que ah oui plan cul, bah, bien sûr oui. Eh ben oui si tu veux, alors il n'y a pas de problème oui, hein, elle est oui totalement je vais disponible. Tenir un agenda. Bah voilà, bah, très bien, bah, Clem reste avec nous. Morgane, on va parler de ton problème de plan cul dans quelques minutes. Oui. Et puis je rappelle que ce soir nous allons faire notre grand jeu, le grand jeu du jeudi depuis la semaine dernière, qui est donc attendez, il faut que je retrouve le son parce que je l'ai pas. Attendez, tiens, je l'ai perdu. Merde. Alors bougez pas hein. Je sais plus où il est. Est-ce que quelqu'un me l'a enlevé, bordel? Ah voilà, ça y est, c'est bon. Le jeudi soir, c'est donc ce magnifique jeu. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Ah, le principe. Attention, nous avons fait quelque chose de très classe là en termes de jeu là. Le principe donc, arriver à placer un maxi, enfin pas les placer, à les enchaîner ouais. Un maximum de fois sans bégayer. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Je le fais. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère? Ah, je suis malade. Je suis malade, la semaine dernière j'avais réussi. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Je suis malade, c'est pour ça. T'as déjà touché voilà. La chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Le record à battre, 16. Donc si vous voulez tenter le coup, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Sandro essaye. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Moi je le ferai encore un peu plus lentement pour être sûr. Plus vite ouais. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Eh ben voilà, Polo. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère. C'est le dernier de la classe, Polo. Bon, 23h12, restez là. Morgane, tu restes avec nous. On va parler de ton problème de plan cul dans quelques minutes. Et comme promis, je vous cale le son de Eminem et Rihanna sur Fun Radio avec The Monster. Ça va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Il y a enfin quelque chose de bien à écouter à la radio. Contrairement à l'auditrice qui avait dit ça hier, hein, qu'elle avait écouté l'émission par hasard et que c'était de la merde. Même si après elle a kiffé, c'est vrai. Ouais. Mais au début c'était de la merde. Et c'est le principal, voilà. Mais bienvenue dans une émission de merde. On est jusqu'à 2h du matin. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, nos limites. Mickaël. On Fun Radio. Et on est en direct dans toute la France sur Fun Radio, comme tous les soirs, à 23h14. Il y a Kent qui a envoyé un message. J'ai trouvé une petite astuce pour être en forme, dormir avant et après l'émission. Oui, j'ai vu qu'il y avait des auditeurs qui allaient dormir et faire une sieste juste avant l'émission pour être en forme de 23h à 2h. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, même. C'est énorme. Bon, allez, je vous rappelle qu'il y a encore la Nintendo 3DS XL à gagner sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis, puis pour ceux qui seront top tweetos ce soir, hein, dans les 5 premiers, et particulièrement le premier top tweetos, celui qui aura mis un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur Twitter, il repartira avec son sextoy, voilà, d'une valeur de 50 à 100 euros. On verra, il y en a plusieurs qu'on a l'occasion de vous offrir d'ici quelques minutes. On va récupérer Morgane qui a un petit problème avec son plan cul. On aura Frédéric qui voulait réagir par rapport à ça. La colle avec Benjamin. Et puis si vous voulez choisir des sons ce soir, vous êtes les bienvenus. Hashtag Mickaël sur le Twitter, vous pouvez demander sur le Facebook et même par SMS en envoyant Mickaël et le titre que vous voulez écouter par exemple. Hein, si on a le stock, pourquoi pas. Vous envoyez Mickaël et le titre que vous voulez écouter, vous envoyez ça au 64 900. Allez, on va se faire le son de Global DJs dans quelques minutes. Et puis le son d'Eminem qu'on écoute maintenant, son que vous avez découvert sur Fun Radio. Eminem et Rihanna, on écoute maintenant The Monster sur Fun Radio. I'm friends with the monster, the son of my bed. Rihanna, Eminem sur Fun, c'était The Monster. Bienvenue si vous voulez débarquer. On est ensemble comme tous les soirs, 23h, 2h du mat. Et tous les dimanches soirs, on est en direct sur Fun de 20h à minuit. Donc si vous voulez écouter, quand vous n'avez pas l'occasion d'écouter de 23h à 2h jusqu'au bout, de 20h à minuit, le dimanche soir, on sera là. Et puis on sera aussi, surtout là, dimanche soir, avec une paire de hugs à vous offrir, mademoiselle. Ah, et pour les mecs aussi, cela dit, hein, mais si je puis me permettre, vous aurez peut-être plus d'avantages à gagner la paire de hugs pour votre copine. Pour l'offrir. Pour l'offrir. Bravo. Après vous faites passer pour le beau prince, voilà, je te vais offrir une paire de hugs. Ça vaut quand même. Ouais, ça vaut quand même quelques parties de jambes en l'air. Ah bah, attends, ça fait quoi en termes de parce que bon, il y a l'euro, il y a le dollar, ça fait une paire de hugs, ça fait combien en termes de parties de jambes en l'air? Ouais, je sais pas, mais donne-les-moi, je te dirai après. Bah tu sais quoi, ouais. Va se faire enculer. Bon allez, 23h20, on offrira ça dès dimanche 20h sur Fun Radio. Message qui est arrivé qui dit: mais non, c'est pas de la merde ton émission. Non, alors mea culpa, elle avait pas dit merde, Louis-Tresse, elle avait dit nul. Ah, l'émission était nulle. C'est ça, voilà. C'est nous. Voilà, oui, c'est un oui, nul est à côté, t'es à ma droite, c'est off. Nul. Je suis là. Voilà, c'est ça. Nul. Donc voilà. Je suis donc là. Donc j'ai rectifié le tir, effectivement, c'était pas merde. Après vérification, il y a Eliria qui dit: perso, je dors en cours pour être à fond pour l'émission. Bah tu fais bien. Et Jordan qui dit: moi je travaille, j'écoute Mickaël No Limit, que demande le peuple? Bah d'écouter jusqu'au bout, par exemple. Cédric qui dit: des bons sons et une bonne équipe, sans oublier des bons tweetos pour une excellente soirée. Vous êtes les seuls à avoir compris ça. Oh bah je sais pas, mais en tout cas on est là, quoi qu'il en soit, Cédric. Merci beaucoup. Et puis Sarah qui dit aussi: Morgan, je la comprends qu'elle soit amoureuse d'un homme en couple qui a des enfants, mais pourquoi il ne choisit pas entre sa femme ou Morgane? Oui, c'est effectivement la question qu'on pourrait te poser, Morgane. Et 23h21 et la voix commence déjà à partir en couille. Que va-t-il se passer à minuit, voire même à 1h et encore moins à 2h? Bon, enfin c'est pas grave. Morgane, t'es là? Oui, je suis là. Très bien. Bon, alors la question effectivement qu'on peut se poser, puisque nous avons appelé pour nous dire que t'avais une... Alors, en gros, t'étais la maîtresse d'un mec. Oui. Voilà, donc il a des enfants, c'est ça? Non, il est en couple mais avec un autre homme. Quoi? Ah oui! Ah oui, c'est ça! D'accord, ok, très bien. Okay. Donc il est en couple avec un autre homme. Bien. Mais parfait! Oui? Très bien. On est au top. Ok, ah vas-y, je suis... fais-toi plaisir. Non, on s'en fout. Je suis un peu sûr. Donc lui est bi, hein, par la force des choses. Voilà. Avant, d'accord, il a été avec des femmes. Et il a eu une déception. Et du coup, c'est retranché vers les hommes. Bien sûr, tout ça est normal. Après une grosse déception, moi-même je me tourne vers les hommes. C'est retranché. Ouais, c'est ça, complètement retranché. Enfin, je sais pas si on peut dire retranché. Enfin, bon, en tout cas, il a changé de bord. Enfin, en tout cas, il a voulu voir un petit peu ce qui se passait à côté, quoi. Il est bi, oui. Et il est avec l'autre mec depuis combien de temps? Il est avec l'autre mec depuis 7 ans. Quand nous on s'est rencontrés, ça fait bientôt 2 ans. À la base, c'était une rencontre via un site et c'était pour un plan cul. On n'avait pas du tout ni l'un ni l'autre l'intention de continuer à se voir, quoi. D'accord. Oui, bah forcément. Oui, mais ça doit être psychologiquement, ça doit être bizarre, non, d'aller voir un mec qui se tape à l'autre mec, non? Bah moi, je le savais. Il m'a dit dès le début qu'il était en couple avec un mec. Et t'as été... Alors moi c'est un truc. Alors autant je vais le dire encore une fois évidemment, mais je veux dire, autant pour un mec, t'as une meuf qui arrive qui dit: ouais, je suis déjà avec une autre meuf. C'est quand même différent, je trouve, parce que je trouve que le corps d'une femme c'est quand même vachement plus joli. Ça reste mon avis. Oui. Je sais que les gays vont dire que c'est pas le cas, évidemment, forcément. Mais non, pas scandaleux, mais que c'est pas le cas. Mais je trouve que le corps d'un mec c'est tellement laid. Ouais. C'est surtout le truc. Ça dépend desquels. Non, mais bien sûr, ça dépend desquels. Mais enfin, dans l'absolu, ça reste quand même moche. Ah oui. Les deux boules et le membre là, c'est pas possible. Bon, que Toff se mette nu, on fait une photo. Vous allez voir. Bien sûr, avec plaisir. Tu dis, Sandro? Non, je disais, tu le fous en slibard, ça va? Ouais, mais ouais, bon après. Mais oui, Sandro veut voir, elle est peut-être en kiff sur toi, Toff. Allez voir mes tablettes de chocolat. Non, mais je n'en doute pas. Nutella, les tablettes Nutella. Voilà, mets-toi en tablette de chocolat collée à elle, tu vas voir, elle va kiffer. C'est vrai ? Ouais. Il ouais. y a moyen qu'on baisse ce soir ? Ah, bah je pense, ouais. Mais regarde pas comme ça. Pourquoi ? Non, mais elle est tellement chien. Elle est tellement chien qu'elle pourrait céder. Hein. Non, j'ai des ex, je vous rappelle. Ouais, bah et alors, on sait jamais. Hein. Ils sont loin, certes, mais je peux attendre 2-3 jours. Ils sont où ? C'est ça, ils sont loin. Ouais, non, mais c'est ça. Franchement, si t'insistes, Sandro, je te fais l'étoile d'araignée, y a pas de souci. Oh, t'es vraiment oh, dégueulasse. Vous êtes pas mal dégueulasse. Ah ouais. Ah bah alors vous êtes un salaud. Bah complètement, effectivement. Bon, et Morgane, donc du coup, est-ce que tu lui as mis un ultimatum ? Parce que bon, il y a un moment, faut quand même pas déconner, hein. Eh ouais, du coup, ben, au fil du temps, ben, il a continué à écrire, on a continué à se voir, on s'est vu même en risquant beaucoup de choses. Et voilà, ouais, je lui ai dit, que ce soit lui ou moi, on s'est avoué que voilà, on était. Tombé amoureux, le problème c'est que comme son mec est dépressif, il sait pas trop comment s'y prendre pour le laisser pour pas qu'il fasse de conneries. Parce qu'il est pas du tout au courant pour nous voir. Et ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que bah il a pas envie de faire de mal, mais. Ouais mais enfin bon, il y a un moment où faut qu'il choisisse son camp, voilà. Quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ah, et bah en fait, il sait pas. C'est pas moi maintenant. J'en suis à un point où, ouais, ça me rend un peu malheureuse parce que je sais pas comment je réagirais s'il me choisit pas moi. Ah ben il y a des chances en même temps, hein, parce que il faut ah ouais. Tu as quand même une chance sur deux, mais tu veux qu'on l'appelle ou on va gérer, hein, si tu veux. Hein. Si tu veux. Non, mais attends, je vais te proposer un truc, Morgane. On peut l'appeler, nous, directement. On se fait passer pour des mecs relous, on démonte les mecs, tu vois. Et puis pour qu'ils soient dégoûtés des mecs et qu'ils finalement se disent, bon, bah, je vais me retourner vers une meuf. Nous, non, on est là, après, si tu veux, on peut rendre service. Hein, Il a son mec qui est là et il est pas très fin. Donc je préfère pas. Non mais tant pis. Mais nous non plus, tu sais, on est pas très fin sur bah, moi. Non, oui, bah c'est ça. Nous on est là. Nous c'était pour foutre la merde. Hein. C'était pour rendre service comme d'habitude. Non. Donc bah voilà quoi. Je suis un peu. Bon écoute. Voilà, alors Morgane, reste avec nous. On va prendre Fred qui est là et qui a un petit conseil à te donner. T'es là Fred, ça va bien ? Ouais, je suis là. Bon bah tant mieux. Reste avec nous deux minutes, Fred. Juste une petite question. Tiens, t'aimerais devenir riche, Fred ? Ouais. Et toi Toff, tu voudrais devenir riche ? J'aimerais bien, mais pour le moment c'est pas gagné. Oh bah oui, bah j'ai peut-être une solution. Ah oui, alors écoutez bien, grâce à. Le prostitué, le bois de Boulogne. Non, grâce à Laurent qui m'a envoyé un article sur les marchés parallèles du sperme. Alors, mais quoi ? Non mais c'est vrai, alors comme en France en fait on ne peut plus faire de dons gratuits, en fait il y a de moins en moins de donneurs. Alors donc il y a des sociétés partout en Europe qui l'achètent et bah forcément revendent, mais surtout il y a évidemment de plus en plus d'annonces sur des sites genre Le Bon Coin, etc. de mecs qui vendent leur sperme. Donc du coup Toff, je me suis dit que tu pouvais éventuellement monter une petite société de vente de sperme. Ah bah oui, je vais immédiatement aller prendre du sperme que je revendrai beaucoup plus cher. Bah forcément, donc on va appeler des gens au hasard, hein. On va essayer de leur de leur soutirer un peu de flux. Ouais, merci, ouais, pour voir un petit peu si tu peux peut-être je sais pas moi arrondir les fins de mois. Bah oui, toujours dans la classe. Est-ce que tu peux Michael. Oui, ouais. Vas-y, Fred. Ouais, juste un truc, si Toff il vend son sperme, je pense plus que ça sera encore à lui de donner du pognon pour. Ouais, c'est ça. Ah non, moi je suis trader en sperme. Gosses, hein, après. Je prends le sperme des gens et je le revends à d'autres gens dans le besoin. Il est trader, exactement, ouais. Bon, il y a Sarah qui dit Toff, t'es sûr que c'est des tablettes en chocolat ou alors de la graisse ? Non, en fait, les tablettes sont cachées. Oui, mais je fais qu'on les vole. Je fais beaucoup d'efforts. Oui, mais c'est pour éviter qu'on les vole. Il y a Cindy aussi qui dit le mal est déjà fait, donc il faudra bien un jour qu'il lui dise. Et puis Benji qui dit c'est clair que le corps de Toff est horrible. Et Florian qui dit les histoires de cul ça pue, ça fait 15 jours que je vous ai découvert. Et ça déchire, un message de bienvenue s'il vous plaît, dédicace à Leniglo 77230, bien sûr. Message de bienvenue, avec plaisir. Attends, je vais t'en mettre un, tiens, hop là. Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Ah bah voilà. Bon, alors reste avec nous, Frédéric. Morgane, ne bouge pas. On va faire un premier appel dans quelques minutes avec Toff pour voir si avec éventuellement plaisir. Il y a peut-être moyen de négocier ce genre de deal, en fait, tout simplement. Et puis retour avec Clem. Et le gros dossier à propos Toff, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier soir avant la fin de l'émission, on a lancé un délire sur le fait de trouver des meufs qui s'étaient peut-être déjà tapé Toff. Des victimes, puisqu'on sait que Toff est quand même le plus gros enculé de la Terre avec les gonzesses. Ouais. Qui leur promet monts et merveilles et que chaque meuf est persuadée qu'avec elle, tu sais, en fait, c'est comme les maladies, tout ça, ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. Et tu sais, quand t'as la meuf, elle arrive. Attends, tu vas te comparer que toi à une maladie. Non, mais tu dis que toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Une maladie. Non, mais tu vois, c'est des accidents, les accidents d'avion, etc. Tu dis toujours quand tu montes dedans, ouais, sauf ceux qui sont en flip, mais tu dis, bon, ça n'arrive qu'aux autres. Et ben, avec Toff, ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand vous êtes une fille, vous êtes en train de gérer un truc avec Toff et qui vous prend des monts et merveilles, etc. Mariage, famille, le chien, la voiture, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il vous prend pour une débile. Mais sur le coup, tu y crois vraiment, toi, Toff, hein, quand bien tu sûr. Le dis. Hein. Bah ouais, moi, je suis persuadé que ça va le faire. Persuadé. Ah bah bien sûr. Ouais. Et bon, attention, donc, du coup, toute cette relation sera à vos frais, mesdames. Ah oui. Oui, à vos frais. C'est vous qui allez tout payer. Voilà. Le chien, c'est toi qui vas te garder, chérie. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, on cherchait une victime de Toff. Et donc, s'il y avait preuve, évidemment, là-dessus, ben, on offrait 2 places pour Starflor pour venir nous voir et voir tous les artistes aussi. Ce sera samedi prochain, 23 novembre, donc à Paris. Voilà. Donc, si vous avez des preuves, c'est pas encore trop tard. On va récupérer Clem qui apparemment avait des preuves et puis on va s'écouter le son d'Enflore de Global DJs maintenant sur Fun Radio avec Kids à 23h29. On est en direct sur Fun jusqu'à 2h du mat avec un canular, le canular du jeudi aussi qu'on va faire d'ici une grosse demi-heure. Si vous avez des idées, et bien appelez-nous, vous êtes les bienvenus. Bienvenue sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Global DJs, à l'instant sur Fun, c'était Kids. Bienvenue si vous venez de débarquer là, 23h33, Mickaël No Limit. On est en direct, comme tous les soirs, jusqu'à 2h du mat. On va récupérer Morgane dans quelques minutes. Et puis on va faire les premiers appels hein, pour savoir si Toff pouvait éventuellement devenir riche avec la solution de Laurent. Merci à lui d'ailleurs qui m'a envoyé un article sur les marchés parallèles du sperme. Et donc comme en France, je le disais, bah, on peut plus faire ce qu'on veut, on peut plus faire de dons gratuits. Et bah, il y a de moins en moins de donneurs. Et bah, Toff, du coup, va essayer de voir s'il y a moyen de négocier ça, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi je l'achète et je le revends grâce à ma société aux îles Caïmans. Bien entendu, c'est une bonne idée. Bah, évidemment, bah, les Danois ont bien le droit de le faire. Bah oui, c'est ça, alors tant qu'à faire. Bon, on y va, on appelle le premier maintenant. Allons-y. Et puis bah, si vous avez des numéros de téléphone à proposer hein, pour aujourd'hui ou pour les autres jours, vous envoyez tous les numéros que vous avez, hein, des gens encore debout à cette heure-ci, qui ont plutôt tendance à s'énerver rapidement. Vous envoyez ça sur toph@funradio.fr. On fait le premier. Allons-y. Allez, c'est parti. On appelle le premier maintenant. Et puis on récupérera Morgane juste après. Clem aussi avec le dossier sur Toff. Et puis le canular tout à l'heure aussi aux alentours de minuit. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si c'était possible de vous acheter un peu de sperme. De quoi? Je voudrais vous acheter un peu de sperme monsieur. Combien de litres? Non, c'est 50 euros la giclée. Combien? 50 euros. Ah bah c'est bon ça. Ah bah alors. Avec une gonzesse au moins. Comment? Avec une gonzesse au moins. Ah non, c'est vous faites dans un petit pot et je vous achète 50 euros. Partez mes couilles imbécile. Mais c'est pas des couilles monsieur. C'est des couilles imbécile. Hein, bon, l'état Charleroi, on rappelle, hop là. On rappelle encore un petit coup, c'est parti. Allô. Oui, c'est pas des couilles, monsieur. C'est la vérité vraie. Et c'est qui, là? Moi, je m'appelle Toff. Et donc, voilà, bon. je voulais juste vous acheter une petite giclée, 50 euros. Et tu me sors les couilles, quoi? Pardon? Tu me sors les couilles? Ben non, monsieur, vous faites ça dans un petit pot tout seul dans votre coin. Moi, je vous achète juste le pot. Va te faire beau, ta connard. Oui, bon, on va te faire foutre un connard, hein, ça mérite d'être clair au moins, et puis on va le rappeler encore un petit peu. Quelle violence. Bah oui, allez, c'est reparti, retour chez notre ami à Charleroi. Genre, il décroche plus. Quoi, t'as un problème, clochard? Non, monsieur, mais enfin, vous pourriez être un peu plus poli. Bah ferme ta gueule, arrête de casser les couilles. Hein. Mais je vous casse pas les couilles, monsieur, je voudrais juste... Amène ta femme, tu vas voir ce que je lui ai donné. Mais j'ai pas de femme, monsieur. Moi, je veux juste acheter du sperme. Quoi, t'sais pas de branler, PD, va. Bah non, monsieur, parce que sinon... T'es impuissant. Bah non, c'est pas ça, c'est pour multiplier les donneurs, monsieur. Bah ouais, allez, casse-toi. Casse-toi, pédale. Qu'est-ce que tu sonnes aux gens à cette heure-ci, t'as pas d'amis? Bah non. Ouais, bah, je sais pas qui je suis, moi. Bah non, mais ça change quoi, monsieur? Mais ta gueule, hein. T'es pas le malin, sinon demain je retrouve ton numéro et tu vois que tes dents. Bah d'accord, si vous voulez, mais je vois pas le rapport avec mes dents, monsieur. Ouais, ouais, c'est mort. Eh ben, regarde bien ton numéro, tu vois des problèmes, mec, ça va? D'accord. Mais sinon, alors... Adresse. Moi, je trouve ton adresse. D'accord, mais fasse pas la peine de s'énerver juste pour une petite branlette, hein. Ben ouais, bah amène ta mère. Mais, enfin, je vois pas le rapport. Amène ta mère qui va me faire une branlette, bah. Mais non, en fait, moi, je vais vous en acheter un peu. Vous faites ça dans un petit pot, ça ira très bien. Ouais, ben viens, Gosli, demain. Tu connais Gosli, viens au calvaire demain et je vais t'en donner dans ta bouche, moi. Oui, au calvaire, oui. Ouais, ben tu viens là. Ouais, si t'as des grosses couilles, ben tu viens, mec, ça. Bah, moi, je préférais que ce soit vous qui en ayez pour me faire une grosse giclée, quoi. Ouais, ben viens demain à midi au calvaire et tu rigoleras moins, mec. Bah, moi, je veux pas rigoler, je veux juste vous acheter un peu de sperme. J'étais prêt à vous donner 50 euros la giclée, quand même, hein. Bah, tu viens demain au calvaire, je vais te donner. C'est vrai, vous avez... Amène 50 euros, tu vois, du bon sperme, je vais te donner. C'est vrai? Ah, bah, ça, c'est gentil. Bon, on se retrouve au calvaire? Ouais, ben bah, viens. Bah, je viens, moi. Bah, tu me ressonnes, hein. Sonne-moi demain à midi, hein. Bah, demain, moi. Demain midi, je serai là. On se retrouve au calvaire. Bah, ça va, allez. Voilà. Moi, je sais pas où c'est, mais on se retrouve demain. Ah, eh ben c'est ça, il est reparti. Non, demain on a un avion, on prend la midi. Ouais, c'est pour ça, mais c'est pas grave, il m'attendra au calvaire. Rappeler pour l'annuler après, hein. Bah non, qui m'attend. Il faut annuler le pauvre qui s'est fait venir. T'en fous. Ah bah d'accord. Vous avez vu comment il est? Bah c'est pareil avec les meufs. Un connard. Voilà, c'est un exemple. Ah mais il y a des meufs, je les ai fait attendre parfois deux jours au même endroit. Il y a Mickaël qui dit un petit coup de pelle et un message de bienvenue rien que pour ma gueule s'il te plaît. Allez hop là, voilà. Ah bah alors vous êtes un salaud. Ah bah voilà, il y a Pierre aussi, Pierre Loïc qui dit bref, j'espère que quelqu'un aura les couilles de venir balancer un dossier. Bah oui, justement, on va la récupérer dans quelques minutes, la Clem qui va redébarquer et on va surtout prendre Morgane également hein, avec son problème de plan cul. Et quel problème, puisque je rappelle qu'elle sort avec un mec qui lui-même sort déjà avec un autre mec. Et ça fait combien de temps que ça dure encore Morgane, rappelle-moi? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, tranquille quoi. Bah ouais, c'est ça, normal. Bon, et donc il y avait Frédéric qui voulait réagir là, t'es là Fred? Ouais, je suis là. Bon, bah bienvenue à toi alors Fred, tu voulais dire quoi toi exactement par rapport à ça? Moi ce que je voulais surtout lui dire c'est que bon, suite à cette histoire, il y a tout le monde qui va la traiter de salope, mais surtout qu'elle s'en passe pas. Bah donc pourquoi est-ce qu'on la traiterait de salope? Parce que bon, coucher avec mec qui est en couple, voilà quoi. Mais moi je voulais surtout lui dire, moi je la soutiens à 100% puisque bon, déjà de une... Parce que moi-même je suis un salaud Ouais. Non, rien à voir. Je suis un gros connard. Je suis avec ma copine depuis 4 ans, on est très heureux ensemble, donc voilà. D'accord. Hop. Et moi-même, je la trompe. Ça, elle le sait pas. Ça m'a dégueulasse. Bravo. Ah bah bravo. Espèce d'enculé. Oh, dis donc. Non, plus sérieusement, je veux dire par là, si jamais il y a quelqu'un qui va juste, qui reste toujours la tête haute, puisque faut pas oublier que dans l'histoire, c'est lui qui est en couple, c'est lui qui sait pas faire un choix. C'est lui qui a quelqu'un chez lui et que sous prétexte qu'il est dépressif, il veut rien faire. Bon, à mon sens, ça c'est que des excuses. Donc après, l'ultimatum, elle a bien fait, mais qu'elle s'en fasse pas si jamais il choisit lui plutôt que elle. Et qu'elle se dise bien qu'elle doit pas être une solution de secours ou un bouche-trou, quoi. Ouais, mais c'est clair, Morgane, si c'est pour ça. Un trou à boucher. Il y a un moment, faut te réveiller, hein. Je sais, mais il y a une chose qui fait que, bah, en fait, je me raccroche à lui, c'est quoi? Gros souci de santé, il a toujours été là pour moi, et du coup... Ouais, non, mais d'accord, mais bon, il y a un moment, ok, mais il faut quand même passer à autre chose, c'est pas parce qu'il a toujours été là pour toi, le mec, il a peut-être une autre vie, hein. Faut lui mettre un ultimatum, tu lui dis, voilà, écoute, bon, bah, je te laisse X jours, X semaines, j'en sais rien, bon, plutôt partir sur des jours pour qu'il se décide, soit il prend l'un, soit il prend l'autre, mais il y a un moment, il va pas rester comme celui-là, il a la bonne affaire, lui, hein, il est au milieu, là, il est tranquille. Je l'ai déjà fait, lui dire que j'arrête tout, et en fait, il continue à écrire. Tu réponds plus, je sais que c'est compliqué. Ah ouais, Morgane. Mais je craque à chaque fois. Bah, ouais, je sais, mais bon. Mais il faut comprendre que le mec, c'est normal, il a d'un côté un plaisir et de l'autre un autre, et c'est difficile de choisir. Ouais, c'est ça. Bon, et dites-nous d'ailleurs, les filles, est-ce que vous vous êtes déjà fait tromper par des mecs? Là aussi, les filles, les exotopes, vous pouvez téléphoner, il n'y a pas de problème. Et puis les autres en règle générale, tiens, pour pas tout en même temps, c'est possible. Ouais, parce que le standard va saturer. 01 42 48 5000, et pour la Belgique, 02 851 4x0. Garçon, fille, est-ce que vous vous êtes déjà fait tromper? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? On en parle dans quelques minutes. Merci Frédéric d'être passé. De rien, je voulais juste rajouter un petit truc. Vas-y. Elle dit que bon, elle s'est accrochée à lui. Si ça peut, entre guillemets, la rassurer, la fidélité chez les couples homosexuels, bien souvent, c'est qu'une option, quoi. Faut dire ce qui est. C'est la fidélité, c'est une option. Ah bon? Ouais, chez les couples homo, ouais. Ah bon? J'ai beaucoup d'amis qui sont homo et donc. J'ai des amis qui sont hétéros, qui trompent leur meuf, c'est pas pour autant que la généralité, c'est comme ça, hein. Non, moi, je connais des amis gays qui sont fidèles aussi, tu vois. Ça, c'est ce qu'ils disent généralement. Bah, eux, c'est des menteurs. Bah, bravo, Fred. Bon, Alors que moi, je suis un exemple de fidélité. Oui. Bah, en tout cas, le message est passé, Fred. Là, bah, reste avec nous. On va te renvoyer chez Sandro au standard. Et puis, les autres, ne bougez pas. On va se faire dans quelques minutes le jeu de T'as déjà touché à ta mère avec tes deux oreilles. On va faire ça dans quelques minutes. Et oublie-le. Hein? Tu as oublié le et. Ah ouais, et t'as déjà touché le chat à ta mère avec tes deux oreilles, on va faire ça dans quelques minutes. Et puis on va s'écouter le son de Lady Gaga. Do what you want. C'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun et la nuit sans pub va démarrer juste après. Bienvenue tout le monde. Un truc à dire. Mickaël. Appelez Mickaël. No limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, no limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Si vous voulez prendre le contrôle, n'hésitez pas. 01 42 48 5000, d'où que vous soyez. Un message de Megumi aussi qui dit par rapport. Attends, c'est quoi? Bah, si je ne fonctionne plus avec du sérieux, c'est parce que j'étais cocu, mais correctement. T'es sorti avec Megumi, Tof? Pas que je sache, mais si elle veut, ça peut s'arranger. Ah bon, c'est une déclaration? Bien sûr. Ah d'accord, ok. Bah, je vous promets mon émerveil. D'accord, ok, très bien. Non mais alors, pas de soucis. C'est bizarre ça, Tof. Quoi? Non, non, mais je peux, moi, y a pas de soucis. Hein. Mais Megumi, quand tu veux. Bah, bien sûr, pas de donc problème. Tu mais trompes voilà, toutes tes copines là. Mais oui, c'est ça, il trompe encore toutes les autres. Hein, oh, j'ai promis mon émerveil, enfin bref. Bon, il y a Warren qui dit toujours de l'ambiance dans cette émission. Restez pareil, ne changez pas. Pourrais-je avoir mon message de bienvenue? Bah, si tu veux. Je t'aime dégueulasse. Voilà, message. Je t'aime dégueulasse. Voilà, comme ça, il est passé deux fois. Message donc qui est passé deux fois comme ça pour toi. Tu l'as eu en exclu. On va se faire un petit canular aussi dans quelques minutes sur Fun Radio. Si vous voulez nous appeler, hein, 01 42 48 5000, n'hésitez pas. On va récupérer Anthony et Pauline pour faire le jeu. T'as déjà joué, t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. On aura Morgane le retour, Anaïs qui voulait réagir aussi à Morgane. Et puis on va s'écouter le son de Lady Gaga maintenant sur Fun Radio avec Do What You Want. Il n'y a plus de pub maintenant jusqu'à l'arrivée demain matin de Bruno Guillon à partir de 6h sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi là, je voulais pousser sur un bouton, j'ai poussé sur le mauvais. Hop là, voilà. Bon, heureusement, c'est arrivé à 3 secondes de la fin de Lady Gaga. C'était du What You Want sur Fun Radio là, c'est parti, plus de pub maintenant jusqu'à la fin de l'émission avec un message de Guillaume sur le Twitter qui dit il y a des soirs où on se fait chier, alors on vous écoute, vous êtes énorme. Bah merci, on est pas du tout, on se sent pas comme Boucherou là, tiens, tout d'un coup. Sarah qui dit elle doit essayer de l'oublier, de penser à sa vie future et Miguel qui dit salut, ça fait un mois que je vous écoute. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue s'il vous plaît? Bien sûr. Allez vous faire encadrer. Bah oui, encadrer. Et Dames qui dit mort de rire, une grande giclé, et Ariel qui dit bah c'est douteux mais le salaud de l'histoire c'est celui qui va voir ailleurs quand même, hein. Bah oui, c'est vrai par rapport à l'histoire qu'on avait à l'instant là avec, avec Morgane. Non, t'inquiète pas, va. Bon, on récupère Clem maintenant. Allô, Clem. Ah, la tendresse. Ouais, Clem. Oui, je suis là. Ah voilà, Clem qui nous avait envoyé des preuves apparemment d'une histoire hier où Tof effectivement a demandé à une auditrice de le sucer dans les chiottes de la radio. C'est vrai. Et même l'auditrice, je tairai son nom bien entendu, je l'ai promis hier, disait mais attends, mais je peux pas croire que tu sois comme ça, c'est un jeu que tu joues. Et là il confirme. Quel connard. Et là il confirme que si, que c'est comme ça, que non. Si elle vient c'est que pour la déglinguer. Et donc l'auditrice lui dit ouais mais attends, parce que moi physiquement je suis pas terrible, donc je comprends pas. Et donc et il a répondu ouais mais j'en ai rien à foutre, si tu suces bien c'est bon. Oh le bâtard. Mais pour une fois, à l'époque, il mentait pas alors. Hein. Si, il disait que pour ça. Il a toujours menti, Tof, depuis que je le connais. Et, voilà. Un moment. Et donc là, en l'occurrence, il a prouvé qu'il s'en foutait du physique, c'était que pour se faire pomper le dard. Et puis. Mais est-ce que tu es malade, Tof? Pas que je sache. C'est une maladie que tu as ou c'est naturel? Non, pas du tout. Ah d'accord, non, c'est naturel. Ah, voilà, c'est ça. Sur le divan. Donc, en effet, il y a eu preuve. Alors, maintenant, le problème, ce qui m'emmerde, Clem, donc t'as quand même gagné, hein, c'est pas ça le problème. Alors, ce non, qui m'emmerde, c'est que le dossier d'accord. Date de 2008, quoi. Ouais, 7 d'abord. Et, bah ouais, mais c'est quand même un dossier, hein. Ouais, ouais, non, c'est vrai, mais ça date de 2008. C'est bizarre parce que moi, sur le souvenir que j'en ai, c'est 2007, mais enfin, c'est pas grave, il n'y a pas preuve. Il n'y a pas preuve de quoi? Il n'y a pas preuve de consommation. Non, pas consommation. Ah, c'était la règle au départ, c'était qu'il y ait consommation. Non. Ah non. Non, là, non, c'était un dossier qui prouvait que t'étais un enculé. Donc là, c'est prouvé que t'es un peu un enculé quand même. Pas d'accord, ça n'était non, pas bah, la règle non, au départ. Non, non, non, c'est pas tant qu'à lancer le jeu, c'est c'était moi. C'était un bah, très oui. Gros dossier, je venais chez la personne laver. Ah la oui, maison, c'est vrai, c'est il faisait le ménage en Conchita. Voilà. Ah oui, très bien ça. Bon, écoute, Clem, ok pour le cadeau, je suis d'accord. Maintenant, si vous avez un autre gros dossier, mais un vrai plus gros, avec effectivement une pénétration des poils et tout, voilà, ouais. Etc. Là, c'est un demi-dossier, hein, je suis pas d'accord. Ouais, en même temps, on t'a pas demandé ton avis. C'est incroyable ça quand même. Ben ouais. On lui a pas demandé ton avis. Une fiole de sperme de Toff, alors là, vous avez gagné une voiture. Oh, c'est une Porsche 900. Ferme ta gueule, écolo. Oui, dégueulasse. Là, Polo se met en soubrette. Hein. Ouais. Ouais. En string, et toi là-bas, il met ton appartement en string. Jamais, monsieur. En string, ça c'est bon ça. Ferme ta gueule, gros bâtard. Oh, dis donc, un peu de calme quand même. Hein. Bon, bah écoute, Clem, je te renvoie chez Sandro au standard. On te retrouve sur le Twitter de toute façon, comme d'habitude. Ouais, on verra, ouais. Comment ça, on verra? Tu veux un coup de pelle? Hein, c'est ça, toi? Tu veux un coup de pelle? C'est ce que tu veux. Bon, Clem, ne bouge pas, je te renvoie chez Sandro au standard. Ok, ça marche. Salut, Clem. Merci, Victor. Allez, ciao à toi, Clem. Bon, je l'avais promis. Pas de problème. Voilà, c'est le cadeau s'en va. Elle aura ses deux places pour Starfloor si elle est disponible le 23 novembre. Je l'avais promis et je peux faire mieux si vous avez encore un plus gros dossier, bien faut sûr. Mais faut que ça croustille, hein. Ah, il faut que ça croustille un peu. Il faut que ça croustille un peu, évidemment. Faut qu'on en ait pour notre argent. Bah, complètement. Il y a Anthony et Pauline qui sont avec nous là. Bonsoir Anthony, bonsoir Pauline. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien. Alors attention, on va jouer avec ce grand et magnifique jeu, hein, pour gagner votre le pack mémoire sans disque là. Attention, Anthony et Pauline. Alors Pauline, 24 ans de l'Oise, c'est ça? C'est ça. Très bien, Pauline, 24 ans de l'Oise. Et alors en face, il y a Anthony, 26 ans de Charente-Maritime. On t'entend très mal, Anthony. C'est-à-dire que ça ou rien, c'est quasiment pareil. D'ailleurs, je vais rester avec Pauline. Combien mesures-tu, Pauline? Ah oui, bah oui. Je mesure 1m60. Ah, c'est combien bon, pèses-tu, ça. Pauline? Je pèse 64 kilos. Quel est ton tour de poitrine, Pauline? 90D. Ah oui, ah, D oui. Comme Denise, alors. Waouh. Oui, c'est ça. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 38-40. Ah ouais. Bonne. Bonne, solo. Voilà, voilà, très bien. Bon, et donc du coup, t'es pas intéressé par Toff, Pauline? Non, absolument pas. Eh bah t'as raison. Bon, Anthony, est-ce qu'on t'entend mieux là? Oui, tu m'entends mieux là? Ah bah oui, là, complètement, effectivement. Ouais. Donc, vous êtes là pour vous affronter. Il faut battre le record de 16 répétitions. Et si vous y arrivez, Anthony, Pauline, vous gagnez le cadeau. Mais évidemment, il va falloir être bon, il va falloir être doué. Qui veut commencer? Bon, n'importe. Allez, bah. Non, on ne refait. Bon, bah Pauline, d'accord, pas de problème. Donc le but, arriver à répéter un maximum de fois sans bégayer, sans bugger cette phrase. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Donc attention, ça commence bien par un « et ». Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles, d'accord? Je remets. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Voilà, donc vas-y Pauline, tu voulais le faire, on y va, Toff compte. C'est bon, c'est parti. Ah bah c'est bon, t'es prêt, Toff? Ouais, je suis prêt. Allez, vas-y. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Non. Stop! Pauline, plus vite, t'es sérieuse là? Écoute comment il le dit. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles? Ah putain! Ah bah ouais, attends, si c'est pour le dire au ralenti, tout le monde peut le faire. Hein. Ok. Bon, on recommence. Ok. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles, et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles, et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles, et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles, et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec Eh oui, il y a eu un petit bug quand même. Combien alors du coup? Ça fait 4. Ah bah ça fait 4, très bien, donc tu ne bats pas le record, hein, Pauline, loin de là même. Est-ce que Anthony de Charente-Maritime va faire mieux? T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Alors attention, vas-y, on t'écoute. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Plus vite, Anthony, on recommence. Allez hop, c'est parti. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Et t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Oh là là, Anthony, pas mal! C'est bien! Ah, c'est pas mal! C'est très bien! Pas mal du tout, même! Merci! Bon, eh ben très bien! Bon, ouais, Pauline, autant te dire que tu rentres chez ta mère les mains vides, hein! Ah bah ouais! Bon, bah, pas grave! Ah bah ouais, Pauline, excuse, je peux pas faire plus pour toi, là, malheureusement! Bon, bah, Pauline, tu reviens jouer avec nous quand tu veux, d'accord? Merci. Salut Pauline, à bientôt. Belle soirée. Allez, je t'embrasse. Ciao Pauline. Bon, Anthony, bravo, c'est gagné. Le pack 110 qui est pour toi, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. D'accord, je peux avoir un petit message de bienvenue, Mickaël. Bah écoute, avec plaisir. Allez vous faire encadrer. Bah voilà. T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Voilà, comme ça au moins t'es prévenu. Salut Anthony, à bientôt. Hein. Merci. Et merci d'écouter tous les soirs. Merci, merci. Ciao Anthony. Je vous rappelle également que vous pouvez m'ajouter hein, si vous voulez hein, sur le Twitter de l'émission. Si vous voulez nous rejoindre et rejoindre toute la communauté, vous tapez M-I-K-L underscore, c'est le petit tiret en bas. M-I-K-L underscore officiel pour m'ajouter sur le Twitter. Et si vous me suivez, bah, je vous suis également avec plaisir. On va refaire un tour du côté de la colle avec notre ami Benjamin. Benjamin dans le Jura qui a une colle pour vous pour tenter de repartir avec la Nintendo 3DS XL. On t'écoute Benjamin. Je suis mort donc, et ma résurrection est dévastatrice. Qui suis-je ? Donc je gis mort dans mon trou et ma résurrection est dévastatrice. Qui suis-je ? C'est bien ça ? Exactement. Bon, il y a Jean-Michel qui proposait le diable. Oh non. Non, Mickaël, c'est un mort. Quoi ? Un mort. Non. Un prout de toffe. Classe. Non. Non, il y a Arthur qui proposait une mine. Non. Une taupe. Non. Un ver. Non. Le phénix. Un truc au pif, il a mis entre parenthèses. Bah oui, effectivement. Un zombie. Non. Proposer de la merde. Non. C'est blanc. Non. Non. Non, il y a Renaud aussi qui dit pour la colle, je pense que c'est un P. Non. Non, bon, bah c'est pas ça. Si vous avez la bonne réponse, là, vous voulez repartir avec votre Nintendo 3DS XL, à vous de jouer maintenant. Vous avez encore une demi-heure pour jouer, on donne la réponse à 00h30. Eh bien, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi lire la colle et y répondre en allant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Et puis, bah, je rappelle que si quelqu'un trouve la bonne réponse, Benjamin perd. Si personne ne trouve la bonne réponse, Benjamin gagne. Je vous souhaite bonne chance. Benjamin, on te récupère tout à l'heure, d'accord ? D'accord. Allez, bouge pas de là, Benjamin. On va récupérer aussi Morgane dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis, on m'avait demandé ce morceau-là hier. Tiens, on va le mettre maintenant. Le son de Dubs sur Fun Radio avec Tsunami. On va terminer aussi avec Morgane, qui est à un problème de plan cul. Hein. Donc, elle sort avec un mec qui lui-même sort avec un autre mec. On va encore faire des appels avec Toff. Et puis, je vous parlais de Paris aussi dans quelques instants. Je vous en parle, il est minuit sur Fun. Bonne nuit, tout le monde. Le son de Dubs sur Fun Radio avec Tsunami sur Fun, bienvenue. Il y aura tout à l'heure le son de Basto, je vous cale aussi Jessica Sanchez. Et puis si vous avez des propositions de sons à faire, vous êtes les bienvenus. Hashtag et Mickaël sur le Twitter. Vous pouvez demander aussi sur les SMS ou même sur le Facebook de l'émission. Pas de problème, comme Corentin qui envoie un message. Salut Mickaël, je vous écoute depuis 3 semaines, vous régalez sérieux, continuez comme ça. Bah, merci Corentin et sois le bienvenu. N'oublie pas de prévenir tes potes d'ailleurs, hein, qu'on est là tous les soirs sur Fun, qu'il y a enfin quelque chose de bien à écouter à la radio la nuit. Donc qui se débarque aussi sur Fun Radio, Mickaël. Nos limites, lundi, jeudi, 23h-2h et le dimanche de 20h à minuit. Il y a Megumi qui dit Toff va vouloir me follow par derrière maintenant, faut pas dire des trucs comme ça Mickaël, je t'aime bien moi, pourquoi tu me fais ça mort de rire? Oh non, c'était pour rire. Kent aussi qui dit j'écoute tous les soirs mais pas eu de message de bienvenue. Ferme ta gueule, escolard. Voilà Kent. Et Sarah qui dit t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles, trop fort, j'adore. Et Nadia également, le prince Nadia qui dit moi j'ai pour principe que la fidélité c'est du grand n'importe quoi, le jour où j'aurai un copain, il fera ce qu'il veut, je m'en fous. Ah, bah écoute, t'es peut-être une meuf porte-off, toi. Bah écoute, avec plaisir. À mon avis, ouais. Stéphanie qui dit, quelle que soit la taille de Polo. Attends, quelle que soit la taille, Polo dit, ah, c'est bon ça. C'est vrai. Ah oui, mon chiffre. Quand on fait un chiffre et les lettres avec les filles. Alors que la meilleure taille, c'est 1m69. Non. 1m69, oui, pourquoi? Parce qu'il y a 69 dedans. Exactement. Ah, évidemment. Bon, on fera un canular dans quelques minutes et puis on va parler télé. Tiens, tu regardes souvent la télé, Morgane, ou pas? Morgane? Oui. Tu regardes souvent la télé ou pas? Oui, souvent. Ouais. Souvent, c'est quoi ton programme télé préféré? Je zappe beaucoup. Comment? Je zappe, je regarde toutes les chaînes, quoi. Ah, tu regardais toutes les chaînes, d'accord, ok, très bien. Parce que là, on va parler des amours. Voilà, on apprend que les prisons, c'est pas si terrible que ça, en fait. Et vous, Julien? Moi, je suis surveillant pénitentiaire. Dans un centre de Villeneuve. À Villeneuve, ouais, dans un centre de descente, de détention. Ouais, je suis dans un centre de détente, hein, tranquille. Et puis dans les ch'tis également, il y a Charles qui nous montre toute son estime des femmes, la grande classe. Je commence à m'incruster à la table parce que je pense que ça peut être marrant et je peux surtout aussi récupérer des restes. Et oui, il récupère des restes, grande classe oui. Également. Et enfin, on termine avec Laurent Baffy dans Jusqu'ici, tout va bien, qui passe un petit message perso, il a raison. La journée du compliment, je veux que c'est vrai, c'est le 1er mars. Donc ça, ça va pas. Donc ah oui, parce que vous aimez pas les journées comme ça. Parce que j'ai relevé toutes les journées les plus stupides qui existent en France. Donc je vous annonce que la journée, journée du compliment. T'es pas en avance pour la journée de la mauvaise haleine, non? C'est bon, ça. Quelle violence. Ah, il a raison. C'est très bon, ça. C'est très bon. Bon, ben voilà. Si vous avez des extraits télé qui vous ont fait marrer, n'hésitez pas évidemment à venir nous balancer tout ça. Est-ce que vous avez déjà perdu des paris stupides? Plein. Ouais, moi aussi, hein, pour le coup, en termes de foot par exemple, des paris sportifs, j'en ai déjà perdu plein. Et d'autres paris d'ailleurs aussi. Non, je vous demande ça en fait parce qu'il y a deux Anglais qui ont parié sur un match de foot, justement. Hein. C'était Arsenal-Manchester. Et alors, l'un a parié sa maison et l'autre sa voiture et sa femme. Oh le bâtard. Ouais. Le premier a perdu sa maison, donc voilà, il a eu de la chance, l'autre avec sa femme. Donc venez nous dire ce que vous avez déjà fait comme pari marrant. Hein. Venez nous en parler maintenant. 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme pari marrant? Moi j'en avais déjà fait un, j'en ai parlé il y a pas longtemps, tiens, avec Polo, hein, c'était à base de régime, ouais. Où on avait fait le principe, c'était il y a quelques années, le premier qui perdait 10 kilos devait un iPhone, bah, c'était au début où ça venait de sortir, devait un iPhone à l'autre. J'ai perdu de pas grand chose, j'ai honoré le pari, je lui ai offert l'iPhone. Et la tout deuxième à ton fois, honneur d'ailleurs. Merci. Oui, et l'année d'après, enculé, et l'année d'après, on a refait un pari que j'ai gagné, c'était le premier qui perdait 10 kilos de nouveau, hein, payer un voyage à New York à l'autre, donc je l'ai gagné, et là comme Polo gagnait moins, je lui dis bah vas-y laisse tomber, et au lieu de me dire non, un pari est un pari, je suis honnête comme le chocolat, et ben non, il a dit ah ben merci, hein, ah ben merci beaucoup, hein. Ah bah ça fait plaisir, hein. Et hop, et voilà, il t'a enflé. Exactement, ouais. Il a dit avoir merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça n'a rien à voir. Et voilà, et hop, il s'est barré. Non, bon, on vient dans New York dans le cul. Non, on vient pas avec cette histoire de chocolat, ça n'a rien à voir, c'est le principe. C'est pareil, arrête ton cinéma, le principe d'un pari, c'est de l'honorer quand tu le perds. Tu m'as dit non, et bah je dis ok. Oui, c'est ça, là, arrête ton cinéma, c'est ça. Ouais. Bon, et toi Morgane, t'as déjà fait des paris stupides ou pas, que t'as perdu? Ou gagné, hein, en fait? Non, jamais. Non. D'accord. Bon, attends, il y a aussi Anaïs qui est avec nous là, qui voulait réagir. Salut Anaïs. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bah oui, ça va. T'appelles du Val d'Oise, Anaïs, toi? Oui. Où bon, ça, du Val d'Oise? Dans le 4, dans à Aubonne. Ah mais je connais bien. Ah, bah, oui. Attends, laisse-moi vérifier si on est au bon. Mais ça n'a rien à voir, c'est Anaïs, la ville, espèce de mongolien. Combien mesures-tu? Combien? 1m59. Ah, 59. Oh, c'est bon ça. Combien tu pèses? Ah bah alors vous êtes un salaud. Je pèse 65 kilos. Vous êtes même un dégueulasse. Oui, tof. Quel est ton tour de poitrine? 90B. Et la tête dans les pantalons que tu as acheté? 44. Ah ouais, on n'est pas si au bonne que ça. Ah si. Mais t'as vu ta gueule, toi? Espèce de chien. Non mais t'es quand même scandaleux. C'est scandaleux. Non mais c'est-à-dire que le mec qui a quand même la pire gueule de la terre se permet de juger des filles. Et il pue de la gueule. Et en plus, qui plus est, d'ailleurs j'en parlerai à Laurent Baffy. Mais non mais c'est vrai, sans déconner quoi. Le mec qui se... Mais... C'est l'hôpital, c'est qui se fout de la charité. Ouais. C'est honteux. Quand on a une gueule comme la tienne, on se permet pas de donner son avis et de critiquer. Je mérite. On se refait la gueule. Je te crois même plus que ça, tiens, lance-flamme dans ta gueule, tiens. Je peux le frapper pour toi, Anaïs? Oui, pas de soucis. Tiens. Voilà. Et Polo, pour le coup, va lever sa jambe sur la gueule de Toff. Hop, dans ta gueule de merde. Voilà. En plus, avec ce qu'il a bouffé là en ce moment. Ah bah, je confirme. Oh là là là. Qui c'est qui a mangé un couscous? Polo et moi, on a mangé du riz blanc avec du poisson blanc. Ouais, mais hier, il a mangé un hamburger, il est encore en train de le chier. Oh là, arrête. C'est la grande classe. Il y a Cédric qui dit salut Mickaël, juste top votre émission. Là, je vous écoute presque tous les soirs. Et Bigoumi qui dit bon, bah, Polo, c'est pas la taille qui compte. Ce qui compte, c'est la longueur des cheveux pour pouvoir s'essuyer. Grande classe également. Polo est fétichiste des cheveux. C'est vrai. Anaïs qui voulait réagir à Morgane, qui donc a un problème avec son plan cul, puisque bah, elle sort avec un mec qui lui-même sort avec un autre mec. D'accord. Tu me confirmes, hein, c'est bien ça Morgane, j'ai bien résumé. Hein. Oui. D'accord, bon, très bien, alors allons-y. Donc moi en fait, j'étais en couple avec mon chéri pendant 3 ans, et en fait c'est lui qui m'a trompé. D'accord. Oh l'enculé. Allez vous faire encadrer. Comme ta gueule, connard. Voilà, c'est un message pour lui. Une chose que je ne comprends toujours pas, enfin bref, et en plus c'était l'une de mes meilleures amies. Il aurait quand même pu faire un effort. Hein. C'est des chiens. Oh là là. Tu me dégoûtes. Ouais, bon enfin il est pas là, c'est pas la peine de parler. Bon, et donc? Et donc bah on s'est quitté et puis bah après je lui ai repardonné. Oh mais putain, mais pourquoi? Bah parce que j'étais folle amoureuse de lui. Mais oui, mais lui pas puisqu'il s'est barré. Est-ce qu'il a fait la technique de Toff? Mais il est revenu, mais parce que, oh là là, c'est dingue. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Exactement, Quelle technique il a utilisé pour te récupérer? Ça rime. Quelle technique il a utilisé? Je t'aime, mon amour. Tous les jours, il m'appelait, il m'appelait des messages, il venait me chercher. Mes copines, mes copains, tout le temps. Enfin, ça devenait insupportable même, mais... En gros, le résumé comme ça. Espèce d'enculé. Hein. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Et là, parce que maintenant, il s'est rebarré, évidemment. Oui, parce que bon, quand on trompe une fois, on trompe une deuxième fois. C'est Non, pas forcément, parce que ça peut être un accident, mais il y a un moment, faut quand même pas déconner, quoi. Ah bon, moi, j'ai arrêté de compter. Ouais, bah c'est non, mais toi, c'est plus un accident, lui, c'est une catastrophe, c'est un drame. N'est-ce pas ? Oui. Mais je me soigne. Oui, ah bah encore heureux, effectivement. J'essaie de réduire. Oui, c'est ça. C'est comme la clope. Voilà, c'est ça. Bon, il y a Cédric aussi qui est avec nous de Charleville-Mézières, 24 ans. Salut Cédric. Salut Victor. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bon, bah oui, très bien. Ouais. Bah, bienvenue Cédric, tu voulais réagir à Morgane. Ouais, alors on t'écoute, bienvenue. Ouais, bah en fait, bon, moi je suis resté 11 mois pareil avec mon ex en fait. Ouais. Donc j'ai su presque 8 mois après que dès le premier jour j'étais avec elle, bah en fin de compte j'étais cocu quoi. Oh. Et dès le premier jour, quoi. Donc voilà quoi, ça fait mal. Mais t'étais cocu parce qu'elle avait déjà un mec avant ou parce que non, même pas. Bon, en fait, ça s'est fait comme ça quoi. Et j'y suis après parce que dès le premier jour, je suis sorti avec elle. Dès la première nuit, passé ensemble, en fin de compte, bah, j'étais cocu quoi. Et donc bon. Après, dans son village, elle m'a fait une réputation de bâtard, si je peux dire. Donc, elle m'a fait passer pour un con près de tout le monde dans son village. Il y a combien de personnes dans le village ? 3 ? Non, c'est quand même fumé, donc il y a pas loin de 1500 habitants. Ah, quand même, d'accord, ok. 1500 ? Donc, ouais, c'est quand même une ville qui est assez importante dans les Ardennes, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Vas-y, continue. Et donc, elle t'a fait au-dessus de ta gueule. Comment t'as réussi à sortir de ce merdier ? Bah voilà, j'ai quand même mis seconde, j'ai eu des potes sur qui je pouvais compter, à qui j'ai beaucoup parlé, etc. Donc eux m'ont remonté le moral, et puis bon, j'ai connu une de ses potes, une de ses anciennes amies, pareil, qui s'embrouillait à cause d'un mec avec elle, quoi, et puis voilà, quoi. Elle m'a déballé tout ce qu'elle avait dit sur moi, et franchement, bon, voilà, pour reprendre confiance après en soi-même et reprendre confiance aux filles, faut s'accrocher quand même. Ah oui, c'est sûr. Il y a Johan qui dit, j'ai perdu un pari, j'ai dû m'épiler intégralement le corps et me raser la crâne. Oui, mais ça n'avait rien à voir, mais enfin, je le lirai dans quelques minutes encore une fois, puisque on parlait des paris stupides que vous avez déjà eu l'occasion de faire et de perdre éventuellement. Mais tu t'es remis depuis, Cédric, sur moi là. Ouais, ça commence à revenir, mais bon, c'est vrai, j'ai toujours du mal à aller vers les fuites, que ce soit en soirée, en boîte ou même sur les balles, quoi. Il y a toujours un blocage qui se fait à ce niveau-là, quoi. Bah oui, mais tu sais que t'aurais pu mal finir comme Toff, hein. Parce que lui, rappelons cette terrible histoire. Est-ce qu'on la musique d'ambiance? Ouais. Alors vous me demandez pourquoi, certainement je vous passe ça. Non, moi pas, moi je sais. Arrête de pleurer, Toff. Arrête, c'est très dur. Ne fais pas comme Zeus. C'est très dur ce que tu fais. Voilà. Je sais pas ce que tu fais. Eh bien, je vais vous expliquer. C'est pour aider les gens. Ouais, cette chanson-là, c'est con parce que quand Patrick Bruel a écrit cette chanson-là, il se doutait pas de... Jamais il a dû s'imaginer ça. En fait, cette chanson a rendu Toff comme il est aujourd'hui un gros enculé. Ouais. Non mais c'est tout l'album hein, parce que j'ai reçu l'album. Hein, particulièrement cette chanson-là parce que je te mentirais, vite je tombe. Enfin voilà, c'est la chanson titre de l'album. Voilà, c'est la chanson. La chanson phare. Exactement. Toff était amoureux d'une salope. Et oui, bon à l'époque ça ne l'était pas et puis après elle a fait des conneries. En fait elle l'a trompé alors que lui était amoureux. C'est la seule meuf qui n'a pas trompé. Hein. C'est vrai, non ? Oui, c'est vrai, oui. Ah, Donc, c'est il est ému. Jusqu'à aujourd'hui, putain, c'est une connasse. Ça fait un an, ça fait 10, 15 c'est ans. Une salope. Là. Plus. Bah, elle t'a traîné dans la boue, ton petit corps. Et donc, pour l'explication, là, comme ça, Cédric, t'as vu à côté de quoi tu passes. Et puis, Morgan et Anaïs verront, et tous les autres, et toutes les autres comprendront pourquoi. Et alors, le problème, c'est qu'en expliquant ça, il y a des meufs qui vont dire. Oh, ah bah oui, alors je comprends. Eh ben c'est pas grave, je vais venir, Toff. Tu me prendras pour une conne et puis tu me souilleras, mais c'est pas grave. Hein, le pauvre. Hein, non, mais je vais pouvoir réussir à le changer s'il était comme ça une fois. Personne n'y arrivera, vous inquiétez pas. Non, c'est trop tard là. Et donc, parce que j'ai un blocage à vie. Hein. Voilà, et donc en fait, il était amoureux, la meuf s'est foutue de sa gueule, elle l'a viré comme une sale merde. Et en le dégageant, elle lui a quand même offert le CD de Patrick Bruel avec ça. Donc je pense qu'elle voulait qu'il se suicide. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai que c'est cruel quand même. Moi, tout ce que j'aurais fait à ta place, tu lui files un CD. Je lui aurais cassé le CD sur la tête. Voilà, c'est ça. Non, j'étais amoureux à l'époque. Bah lui, comme un coup, il a pris le CD, il est rentré, il est parti l'écouter. Voilà, c'est ça. Pire que ça, je l'ai mis dans la voiture en partant. Ah, voilà. T'as pleuré ? Ben oui. Bien sûr que j'ai pleuré. Alors que lui, il lui avait offert ça. Oh non. Non. C'est vrai ? Non, à l'époque, il y avait. Attends, je vais essayer de le retrouver le morceau. Ah, tu lui as fait donner une chanson. Qu'est-ce qu'il est ringard. Oh là là, le loup. Attendez, parce qu'aujourd'hui il se la ramène, il roule du mec. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi je baisse tout le monde, blablabla, poète, poète, poète. Alors qu'au final, hein, bon. Oh, hein, à l'époque c'était pas le même. À l'époque c'était un autre. Ouais, j'étais un autre. Bon, tu l'as retrouvé ta chanson en bois ou pas? Non, attends. Il faut faire une thérapie. Mais oui, bah, ouais, c'est mais ça. J'essaye. Voilà. En plein de meufs. Et donc du coup en fait donc cette meuf a fait que aujourd'hui, enfin depuis l'époque hein, mais jusqu'à aujourd'hui, il se venge sur les autres filles. C'est comme si ça allait changer quelque chose. Il est transformé. Voilà, donc il est transformé. Tu l'as la chanson? Ouais, je l'ai. Attends. Ah vas-y, vas-y. J'ai déjà un live, mais c'est pas grave, c'est pas. Ouais, c'est pas grave. Ça, c'est tu lui as envoyé ça? Vérifie, il y a parce qu'il y a pas de pub. Non, c'est bon. Alors le son est dégueulasse, pas bon. Ouais, hein, je suis désolé, mais ça va. Attends, non, je l'ai pas. Donc ça c'était ça ta réponse? Ah si, je l'ai en meilleure qualité. Bon bah vas-y, fais vite alors. C'est ta réponse à toi? Oui. Bon, enfin, c'était le morceau que je lui avais envoyé à l'époque. Il y a Benjamin qui dit: les mecs, vous êtes démanche, je suis en train de taffer, putain de dossier à rendre demain matin, et grâce à vous, je me tape des barres en taffant, c'est énorme. Et Cara qui dit: c'est pour ça la chanson. Bah oui, c'est pour ça. Bien sûr. C'est que ça. C'est Nathalie Cardone. Oui, il y a peu de gens qui doivent connaître cette meuf. Nathalie Cardone. Ah si, ça me dit quelque chose. Ah, si, mais si, à l'époque, c'était un carton. Ouais. J'étais très jeune. Hein. Tout est parfait. Tu m'étonnes qu'elle t'a largué. C'est de la merde. C'est mignon. Attendez, écoutez les paroles. Mais si, je vais pleurer. Taisez-vous. Mais laissez-le. Taisez-vous. C'est mignon. Attendez, on comprend pas les paroles. Ouais, mais c'est mieux. Malgré la peur, malgré les souffrances. Oh, c'est bon ça. Bien sûr que je suis ému. Mais arrête, c'est la seule meuf que j'ai aimée dans ma vie. Ah non, arrête, tu vas te faire chialer là. Ah, bah, toutes les arrête. Autres. Arrête. Faire chialer ce con. C'est vrai, toutes les autres sont tentes. Attendez, je vais plus fort. Ah non, si chiale. Arrête. T'es fou. Refrain. Ah là, si t'officiales, c'est chaud. Mais c'est vas-y, chante, chante, rigole. Non, mais je me souviens plus. Et pendant ce temps-là, l'autre, elle envoie ça. On était bon, là. Salope. Oh là là, mon Dieu, c'est scandaleux. T'as brisé le cœur du petit œuf. C'est ça. Alors que, mais en fait, comme aujourd'hui, d'habitude... Elle a deux gosses, hein, mais je dis ça, mais enfin bon. Elle a deux moutards aujourd'hui. Ouais, elle en a deux, ouais. C'est dur, hein. Ouais, c'est très dur. Non, arrête. C'est très dur, parce que je me dis ça pourrait être les miens. Oh, non, là tu pousses là. Heureusement pour les meufs, heureusement pour les gosses, hein. Mais t'en sais rien, parce que je pense que si j'étais resté avec elle, on serait pas là aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. Alors qu'il aurait pu répondre, au lieu de répondre avec cette merde, il aurait pu répondre avec une vraie chanson. Voilà, il aurait mis ça dans les gueules. Voilà, là elle serait revenue. Le truc bien violent. Voilà. Tu vois, là, avec ça, elle serait revenue. T'aurais pu même mettre ça éventuellement, si tu veux, avec ça. Attends. Voilà, t'aurais mis ça, je pense qu'elle serait revenue. Un petit Wu-Tang ou, je sais pas, un truc qui passe crème. Attends, oui, qui... Attends, je vais te mettre... Attends, voilà. Tu l'aurais appelé, tu l'aurais dit: écoute, j'ai un truc à te dire, écoute la chanson que j'étais dans ta boîte, quand t'as dans ta boîte aux lettres, là. Et puis elle aurait eu ça, hein. Il y a ça. Merde. Tu vois? Tu vois? Là, il y a une réponse, là. Il y a quelque chose. Il y a un échange, là. Il y a un échange. Oh là là. Bon, ben, vous savez maintenant pourquoi Toff est un gros connard. Oui. Voilà. Au moins, maintenant, les choses sont claires. T'as vu, Anaïs, hein? Finalement, c'est un con, mais bon. Ouais. Mais il a des excuses. Oui, ça, c'est sûr. Bah oui, c'est ça. Bah si, c'est sa faute quand même. Faut pas abuser non plus, hein, mais bon. Bon, il y a Christelle également avec nous, là, de Narbonne, là. Salut, Christelle, 22 ans. Comment ça va? Ça va. Tiens, il y a Louis qui dit: le pauvre Toff, là, des coups de pelle pour le réveiller. Ouais, le pauvre, ça y est, commencez pas à le plaindre. Ah, mais c'est toi qui les a lancés, non, hein. Non, mais attendez, il y a une meuf qui s'est foutue de sa gueule. Et bon, au lieu de se dire, et encore, je trouve ça complètement ridicule comme réaction, hein, au lieu de se dire: je vais me foutre de la gueule de la prochaine, alors qu'il y peut rien, la pauvre. Non, il s'est foutu de la gueule des 100 suivantes. Et c'est qu'elles aiment ça quelque part. Oui, peut-être, mais bon. Bon, qu'est-ce que tu penses de Toff, toi, Crystal? Attention, j'ai ma batte de baseball. Bah, ça va. Merci, Crystal. Donc, avec tout ce qu'on vient de dire, tu trouves que ça va? Ouais. Tu peux pas dire c'est un gros enculé, quel sale chien quand même? Non. C'est un enculé. Ah, merci Anaïs. Ah, mais quand même. Bon, alors, Cristal, 22 ans de Narbonne. Oui. Combien mesures-tu? Ça t'a pas suffi, là? Non. 1m69. Ah, tu vois, en plus, c'est la taille idéale. Mais oui, c'est ça. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90C. Oh là là. Et la taille d'un pantalon que tu as acheté? 34-36. Oui, mais ne t'inquiète pas, je peux me foutre de ta gueule. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Oh là là, c'est ah bah là ça m'a remis d'aplomb là. Ah ouais, ouais, bah, ça c'est ça sûr. Va mieux. Attends, je vais le calmer. Ça va beaucoup mieux. Non là ça va moins bien. Ouais. Bon alors Cristal, tu voulais réagir à Morgane toi? Oui c'est ça. Parfait. Parce qu'en fait moi aussi je vis une relation compliquée avec un mec qui est depuis 15 ans avec sa femme. Oh là là. Et toi ça fait combien de temps que t'es avec lui? Enfin que t'essayes d'être avec lui? Ça fait 2 ans que je suis avec. Voilà. 2 ans, c'est fou. Mais hey. comment t'as envie de rester avec un mec et tu sais d'avoir une double vie comme ça et d'être le second, la seconde quoi, tu vois? La deuxième couille. En fait, le truc c'est que au début, bon, il me dit des belles paroles et tout ça. On avait même pris un appart ensemble, donc en fait, sa femme est au courant. Aïe aïe aïe. Voilà. Et il arrête pas en fait de faire la navette entre moi et elle. Soi-disant, il prétexte les enfants et tout ça. Et voilà, donc ça bouge pas. Ah mais ça ne bougera jamais. Non, mais je te dis, il la quittera pas. Non mais c'est sérieux ce que je te dis, hein. Tous les potes que j'ai qui ont fait ça, je ne regarde personne, te le dis, c'est pas toi. Et y en a, j'en connais plein qui ont fait ça et ils n'ont jamais quitté la femme officielle entre guillemets. Bah oui, mais bien sûr, les mecs qui sont là, surtout que ça fait 15 ans. Il la quittera pas, il va te mentir jusqu'au jour où toi t'en auras marre et tu te Et puis il va te mentir et te mentir et surmentir et encore mentir. Bah là, je te confirme. Ouais, ce que je me dis, c'est que si il me mentait, il aurait pas fait tout ça, enfin prendre un appart. Mais si, mais bien sûr qu'il. Mais c'est parce qu'il a l'argent et que là il se met bien mais comme ça. Et quand il en a marre de maman là, il se tape la petite jeune et puis voilà. Non parce qu'il sait que toi tu seras toujours là. Voilà puisque tu l'attends comme une idiote. Tu le forces pas à prendre faire un choix en fait. Ouais voilà. Ben en fait j'ai déjà essayé mais je tiens pas très longtemps quoi. Bah, à chaque fois c'est le même problème. Voilà, c'est j'ai essayé mais comme je tiens pas, ils le savent. Mais bien sûr qu'ils le savent. Tant que tu seras évident, pas barré ça. Pour de bon. Il faut y aller. Moi merde. Qui suis un romantique. Oh tu parles, bah oui. Et quel romantique. Avec son pipeau en bois là. C'est le cas de dire pour le coup. Mais non Cristal, il y a un moment faut. Et comme Morgane, putain, mettez une. Mais moi j'ai même essayé. J'ai eu plein d'occasions d'aller avec d'autres mecs. Ouais. J'arrive pas. Et pourtant, Dieu se sait si. Bah écoute, Morgane, alors écoute, je vais pas être méchant, Morgane, mais t'as 35 ans, t'es plus toute jeune, donc il y a un moment, il va falloir réfléchir à aller avec un mec où il se passera rien. De quoi? C'est ça qui m'inquiète. Ouais. Bah oui, mais il y a un moment, ressaisis-toi. Je suis rendu au point où j'arrive même pas à aller avec d'autres mecs. Mais oui, mais il y a un moment, il faut te ressaisir. Au roulage de pelle et au final, quoi. J'ai une copine, c'était le même cas. Enfin, le mec, il avait pas de meuf, mais il était chez sa mère. Il voulait pas partir. Ça a duré des années comme ça. La meuf, aujourd'hui, elle a 36 ans. Et elle a une pression de ouf parce qu'elle se retrouve toute seule. Bah oui. Il faut qu'elle reparte de zéro. Il faut après enclencher un gosse et tout. Enfin, c'est chaud, quoi. Bah moi, j'ai déjà. Elle a perdu du temps, la meuf. J'ai déjà mes enfants, donc voilà, c'est pas. Non mais peu importe, il y a un moment faut que tu te casses. Que tu te casses, faut que t'aies un truc sain, quoi, tu vois, pas avec un mec qui sait même pas lui-même ce qu'il veut faire, il est là, un coup à gauche, un coup à droite, il sait pas, et puis il verra, et puis tu reviens toujours. Enfin, il y a un moment il faut que tu sois forte, hein, faut que tu te fasses aider par une copine, par un copain, j'en sais rien. Mais à un moment, faut y aller, hein. Bah je sais. Allez Morgane. C'est dur, putain. C'est qui la meilleure? Morgane. Ouais. C'est qui la meilleure? Qui Morgane. C'est qui va y arriver? Allez Morgane. Allez Morgane, qui est la meilleure? Ah putain. Allez donc, Morgane. Du coup le week-end prochain je sors et. Allez Morgane. Qui est la meilleure? C'est moi. Allez Morgane, qui est la meilleure? Ouais, c'est moi. Plus fort. C'est moi. Plus fort. Pas trop gueuler, j'ai plus fort. Qui on s'en fout. Allez. Plus fort. Plus fort. Qui est la meilleure? C'est Morgane, c'est moi. Ouais bah dis donc c'est pas gagné hein. Oh là là. Ah, c'est pas gagné du tout hein. Bon non. Écoute Morgane, ce qu'on va faire. Ouais. dimanche. Oui. Tu lui dis les choses, tu lui dis, écoute-moi bien mon grand, je te laisse 3 jours. Ouais. 3 jours pour décider. Soit tu prends Roger, soit tu me prends moi. Si dans 3 jours tu t'es pas décidé, je me casse, terminé, merci, au revoir. Tu changes de numéro de téléphone, tu ne l'appelles plus. Ok. Et ouais, juste si je peux rajouter un truc et ça peut donner de l'espoir aussi, une autre copine qui avait ce problème là, elle a vraiment coupé les ponts avec le gars, c'est-à-dire qu'elle n'a plus appelé, elle l'a plus fait, il est revenu, c'est lui qui est revenu et aujourd'hui ils habitent ensemble. Voilà. Oh, c'est beau, tu vois. Tant que toi t'auras pas tranché, ouais, je pense. Ça n'avancera pas. Voilà. Cédric, tu voulais dire un truc pour terminer ? Ouais, mais s'il faut savoir, c'est quand même que quand on tient fort à la personne, qu'on a vachement de sentiments, c'est très très dur. Mais oui, j'ai pas dit que c'était facile. Ce choix-là, ça c'est... Mais j'ai pas dit que c'était facile, mais il y a un moment, faut se rendre compte, tu sais, elle a pas 20 piges, quoi, tu vois, elle peut pas attendre un, deux, trois ans. Moi, je veux dire, même moi, ça fait plus de 2 ans que je suis cassé avec elle, et au bout d'un an, c'est vrai que des fois, je pensais encore à elle, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de travers Ah bah oui, ça, mais bon. Bah oui, je sais, c'est la vie. Il y a un moment, faut passer à autre chose, hein. Il y a un moment, faut tourner la page, et puis il faut se dire que la merde est derrière, et qu'il va falloir passer devant. Hein. T'auras d'autres merdes, hein. Si à chaque fois tu restes calé 5 ans, t'es pas dans la merde. Hein. Ah bah ça, c'est sûr. Ah bah, je te confirme. Mika, donc juste un petit truc, pour Toff, donc mon pseudo sur Twitter... C'est Tchetch, donc ça se prononce comme le joueur de foot espagnol. Et pas CESC 08000. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a le rapport avec Toff ? Parce que je dis CESC. Toff, il dit les top tuteurs, c'est CESC. Ah oui, parce que c'est un con. Attends, il mérite un coup de pelle. Je voulais savoir aussi si tu peux lui mettre un coup de lance-flamme, parce que hier, on m'a confondu avec une meuf quand même. Ouais, c'est vrai. C'est CESC en fait. C'est con, ouais. Voilà, bon, bah très bien. Bah merci en tout cas, Cédric. Merci, Christelle. Allez, vas-y, une seule personne. À une seule personne. Donc bah tous les tutos qui me suivent à Quintin du 08. Non, et Cédric, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans une seule personne ? Eh bah alors à tous les tutos qui me suivent. Non, bah voilà, enfin bon, en même temps t'as déjà fait le, hein, l'autre message. Bon mais merci Cédric. Dis donc Cédric, tu veux pas non plus ma bite ? Non, mais ah, parce que je veux. Allez, un petit pack fun. Bon, allez, tu vas gérer ça avec Sandro Standard. Ok, salut. Merci. Salut, à bientôt. Allez, ciao, bonne soirée, je vais continuer à tweeter. Avec plaisir, Cédric, merci beaucoup. Et je rappelle qu'il y a Sextoy à gagner. Hein, si vous êtes top tweetos ce soir, si vous êtes numéro 1 du top tweetos, on fera un petit point dans quelques minutes. À quoi sans panne ? Oui, on a un petit problème. Ah merde. Bon, ben on verra. J'espère qu'on réparera ça d'ici 2h du mat. Donc, si vous êtes top tweetos, sous réserve que ça marche, eh bien, on vous offre le sextoy. À vous de balancer un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. Merci, Cristal. Merci, Anaïs. Gros bisous. Gros bisous. À bientôt. Salut, les filles. Et puis, Morgane, ben écoute, tiens-nous au courant. Et puis, on te rappelle la semaine prochaine. Dès que tu lui auras dit que mercredi, tu lui auras mis l'ultimatum. D'accord ? Ça marche. Bon, je compte sur toi, hein. Oui, bon, d'accord. Très bien. Allez, salut à toi Morgane, à bientôt. Bonne soirée. Salut. Et puis on va prendre dans quelques minutes Benjamin avec la réponse à la colle. T'es là Benjamin ? Oui, je suis là. Bon, allez, refais-la vite fait avant d'écouter Jessica Sanchez. Quelle est la colle pour gagner la Nintendo 3DS XL ? La colle c'est « Je gis mort dans mon trou et ma résurrection est dévastatrice ». Qui suis-je ? Je gis mort dans mon trou et ma résurrection est dévastatrice. Qui suis-je ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer bien sûr sur le Facebook de l'émission facebook.com/Mickaël officiel. On donne la réponse après Jessica Sanchez dans 4 minutes. D'accord Benjamin ? Ok. Parfait, on parlera des paris stupides dans quelques minutes aussi. Si vous avez déjà fait des paris stupides, bah venez nous en parler. Et on aura François le temps d'écouter le son de Jessica Sanchez maintenant avec Tonight. Bienvenue tout le monde, il est minuit 30. On est au cœur de la nuit sans pub. On est là jusqu'à 2h du mat comme tous les soirs. Vous balancez tous vos messages, prenez le contrôle de Fun. 23h, 2h du mat, on est en direct. Et le dimanche de 20h à minuit sur Fun. Bonne nuit. Venez foutre le bordel tous les soirs. No limit. Fun Radio. Mickaël, No Limit. And Fun Radio. En direct sur Fun Radio, bien sûr, minuit 34. Et il est l'heure maintenant de donner la réponse à la colle. Je l'avais promis, on va le faire maintenant. Avec Benjamin qui est avec nous. Là, Benjamin, toujours là ? Benjamin. Oui. Ah, très bien. Alors, Benjamin dans le Jura. Oui. Qui avait une colle, qui l'a balancé sa colle, justement. Et nous allons maintenant... appeler quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite par SMS ou sur le Facebook et qui a a priori la bonne réponse. Si la personne qu'on appelle maintenant a la bonne réponse, tu perds, il gagne. Si par contre il n'a la mauvaise réponse ou qu'il ne décroche pas, peu importe la raison, c'est toi qui gagne la dernière Nintendo 3DS XL, Benjamin, d'accord ? Ok. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Allez, je croise les doigts pour toi, minuit 35. Et on fera le canular dans un instant avec Mehdi, là. Souvenez-vous du Marseillais d'hier, là. Le fameux. Le fameux Marseillais d'hier, ouais. Allô? Oui. Oui, bonjour, comment tu t'appelles? Rodolphe. Tu t'appelles comment? Rodolphe. Ah, Rodolphe, d'accord, ok, j'avais compris Rodolphe. Je me dis, putain, c'est bizarre comme nom quand même. Rodolphe, très bien. Rodolphe, est-ce que tu as la réponse à la colle de Benjamin? Il va te la répéter maintenant. Vas-y, Benji. Je suis mort dans mon trou et ma résurrection est dévastatrice. Qui suis-je? La lave du volcan? Oui, c'est ça. Eh ouais, bah ouais. Eh ben voilà, félicitations Rodolphe là. Nickel, merci. T'as quel âge Rodolphe? 31 ans. T'es vraiment un enculé Rodolphe, le pauvre là, il a 14 ans et tu lui enlèves sa console. Ouais, mais c'est pour mon fils qu'on a fait. Ah d'accord, ok, ouais, ça se fait vraiment pas. Bon, bravo Rodolphe, la Nintendo 3DS XL est pour toi, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Ok, merci, vous l'assurez. Salut Rodolphe, merci beaucoup. Et puis salut. Benjamin, bah, désolé pour toi, mais on va quand même te filer un pack fun, d'accord? Ok. Bon, allez, salut, bonne soirée, puis bon week-end, hein. Ouais, bon week-end. Salut Benji, à bientôt, merci d'avoir participé. Ciao. On aura François dans quelques minutes également. Salut François. Salut les amis. Eh ben il va couper sa radio François. Ah ouais, attendez, je vais au boulot là. Ah merde, tu arrives dans combien de temps au boulot? Dans 15 minutes là. Ah 15 minutes, ah, bon. Ça fait attendre un peu longtemps, bande d'enculé, vous avez abusé. Bah oui mais François là, moi j'avais pas grave. Il y avait pas marqué urgence. Putain les cons, j'ai mis longtemps à tomber sur vous. Vous non. Avez déconné. Ah bah oui mais ça après il y a du monde hein. On peut pas y faire grand chose. Bon écoute alors François, on va faire le canular juste après toi alors parce que sinon tu vas être en galère. On va faire attendre Mehdi, c'est pas grave. Bon, okay, à Brèche. De quoi on parle François avec toi? Bah voilà, il y a deux semaines je suis allé en boîte là à côté de chez moi, c'est le César Palace. Ouais. Je suis tombé sur une chienne. Mais quel genre de chienne? La grande classe. Bah une bonne crémière. Une bonne crémière. Ouais. Ça fait. Coupe ta radio, François. Elle m'a dit viens, on finit un verre à la maison, comme d'hab, tu sais très bien. Je finis chez elle et ouais, tout. Ouais, parce et que t'es un gentleman, t'es un dragueur, toi, professionnel. T'es un beau gosse. Je suis pas un pro, je suis allé franco. Franco tout. De porc, ok. Franco comme un porc épique. Voilà. Très bien. Et alors? Et voilà, après je l'ai cartonné bien et tout. Je lui dis écoute, oh, la ce classe. Soir, je vais te limer la chatte et je vais te limer le cul. Oh mais t'es sérieux. T'es un vrai poète elle a, mec. Elle a ah ouais. été vulgaire avec moi, je fais pareil. Pourquoi elle a été vulgaire avec toi? Bah elle a fait la chaude, elle m'a trop chauffé, tu vois. Ça fait je dis allez j'y vais. François, ouais. Est-ce que t'aimes bien t'essuyer dans les cheveux d'une fille aussi toi? Oh Polo, putain. Tu fais ça, tu fais ça, tu t'essuies aussi dans les cheveux? Mais Polo, ta gueule un peu, laisse-moi raconter. Bon, et donc quel est le problème? Je peux finir. Bah vas-y, on attend que ça là. Bah voilà, ça fait je la cartonne et tout. À un moment je lui dis bah écoute, je vais te limer. Je lui lime et tout, et après à un moment elle me dit attends arrête, il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle m'a fait pas? Elle m'a sorti un Ferrero Rocher. C'est bon ça. C'est bon ça, c'est pas mal. Voilà. Et voilà, après elle m'a choqué, je dis oh laisse tomber, moi je. Ouais mais c'est les risques du métier hein. Ouais voilà. Voilà. Je suis pas trop cassage de cul, mais là elle m'a choqué, tu vois. Bah ouais, et donc du coup t'as rien fait quoi, t'es rentré la queue entre les jambes. Non, bah après. Il a dû la laver déjà. Elle était choquée, je dis oulala, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous fais? Elle me dit je sais pas. Tu vois, je sais pas si elle avait l'habitude ou pas, moi je coche pas trop ça. Et du coup t'es parti? Voilà, je suis parti. Bah ouais, ah putain. Ah depuis, dommage. Je l'ai pas rappelé. Ah là. Et donc du coup t'es tout seul et tu gères. Hey, mais attends, mais Sandro est disponible là ce week-end si tu veux. Ah bah là, ouais, et en plus c'est vrai qu'il est ouverte. Hein. Ah écoutez, je suis pressé s'il vous plaît. Bah oui, justement. Je vais bientôt aller travailler. Oh c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël, faites-moi un joli cadeau, une PS4 ou un iPhone 5S. Attends. Espèce d'enculé. Bande d'enfoiré. Voilà, attends, j'en ai un autre là. Bande d'enfoiré, vas-y, mais. Hein? Mais c'est le corps. Lequel? Le corps. Attends, ça c'était il y a un petit bout de temps là, t'en bouges pas. Là, il est là. Ah, t'as été coupé, mon grand. Eh ben viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Eh ben voilà. Oh, bon, eh hey, François. François. Ouais. Bon, ouais. bon taf alors, hein, bon courage cette nuit. Hein. Ah, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Juste une petite dédicace aux deux routiers qui sont en train de conduire là. Ils fument des joints. Tranquille, c'est bien. Pour un routier, c'est bien. Ouais. T'as compris? Bien sûr. Oh, Romano, s'il te plaît. Non, c'est pas ici, Romano. Ouais. Mais on l'embrasse. Tu dis quoi? Tu dis, oh, McFly, t'es un gros enculé. D'accord. S'il te plaît, dis-le, s'il te plaît. Là, non, je peux dire, Toff est un gros enculé. Ça, oui, ça, y a pas de problème, en revanche. Tu dis, oh, McFly et DJ Youstar, lâchez les joints, vous êtes des enculés. Oui, ce sont des enculés, effectivement, je peux le confirmer. Merci, les copains. Bon, avec plaisir. Salut, bon courage à toi, François, là, pour ce soir, pour le taf, là. Merci à toi d'être passé. Il y a Lionel aussi qu'on va prendre pour les paris dans quelques minutes, là. T'es là, Lionel? Ouais, je suis là, attends. Ça va? Allô? Allô, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Très bien, parfait. Donc on va parler des paris, puisqu'il y a deux cons, là, deux Anglais qui ont parié un match Arsenal-Manchester. Il y en a un qui a parié sa maison et l'autre sa voiture et sa femme. Et le premier, bah, donc a perdu la maison, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Bon. Donc on va parler avec toi dans quelques minutes. Toi aussi, tu paries de temps en temps? Ah, mais je l'ai fait quand j'étais jeune, mais bon, ça a coûté cher et ça a fini me coûter la vie. Ah, carrément. Bon, bah, Lionel, tu restes avec nous. On va en parler dans quelques minutes. Est-ce que vous avez déjà fait des paris à la con? Bah, venez nous en parler. Appelez-nous maintenant. 01 42 48 5000 02 851 4x0. Et puis, bah, on va rappeler avec Toff, là, hein, quelques personnes. Ah, mais oui. Ça me paraît un très bon plan, là. On y va. C'est parti. Par rapport à toujours ce grand sujet, puisque en France, on ne peut plus faire de dons de sperme gratuits. Donc, et que gratuits. Oui, on peut faire des dons de sperme que gratuits, pardon. On ne peut plus les vendre. Et donc, du coup, Toff s'est dit, bah, tant qu'à faire, on les récupérer et les revendre ailleurs. Bah, exactement. Bah voilà, c'est ça. Donc on y va, on appelle avec les numéros que vous nous avez envoyés ce soir, les autres jours, et puis ce soir pour demain, pour des dimanches, pardon, pas de problème. Vous envoyez tous les numéros de Jean Debout encore assez tard sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va, on appelle? C'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Puis on aura le canular avec Mehdi dans quelques minutes aussi. Hein. On écoutera aussi Jason Derulo avec Dirty Talk. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si c'était possible de vous acheter du sperme monsieur. Allô. Oui, allô. Ouais, je vous entends. Ben voilà, je voulais savoir si c'était possible de vous acheter du sperme. Ah non, j'en ai pas en cargaison en ce moment. Ah, vous avez plus de stock? Non. Ah, c'est embêtant ça monsieur, vous pensez qu'il y aura... Et attendez, vous êtes qui vous monsieur? Moi je m'appelle Toff monsieur. Et vous appelez les gens comme ça? Ben oui, parce qu'en fait... On leur demander s'ils ont du sperme. À vendre, oui c'est ça monsieur. Ah ouais. Ben oui. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui me choque? Je sais pas, vous appelez ça pour savoir si j'ai du sperme. À vendre, oui, c'est ça, monsieur. À vendre. Voilà. Et combien vous achetez? C'est 50 euros la giclée. 50 euros la giclée? Oui. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, c'est vous intéressant. Voyez. Ah, c'est de l'argent vite gagné, hein, monsieur. Ah oui, c'est clair. Ah, vous voyez? Eh oui. Ce serait dommage de s'en priver. C'est clair. Mais bon, vous tombez mal, là. Ah oui, je tombe mal. Eh oui. Bon, bah, je vous rappelle alors. Vous appelez comment, vous m'avez dit? Je m'appelle Toff, monsieur. C'est quoi ce nom, là? Bah, c'est mon nom, monsieur. Bah, c'est pas un nom, ça, Toff. Vous avez bien un prénom et un nom. Bah, Toff. Un nom. Bah, si. Bon, monsieur, je vous laisse, hein. D'accord, mais alors... Vous appelez quelqu'un d'autre, hein. Mais combien, et alors? Vous m'en rappelez plus. Bah, si, puisque vous m'avez pas dit combien. Non, mais n'insistez pas, c'est bon, là, maintenant. Bah, j'insiste pas, monsieur. Non, mais là, c'est bon, là, maintenant. Bah, oui, c'est bon, monsieur, c'est vous. Non, mais arrêtez. C'est bon. Bah, oui, j'ai bien. On arrête. Bah, c'est ce qu'on fait, monsieur, mais dites-moi combien, alors? Eh ben, je vous dis qu'on arrête. Oui, j'ai compris qu'on arrêtait, monsieur. Non, mais là, vous arrêtez pas, là. Bah si, c'est vous qui voulez pas me dire combien. Tu me gonfles, mon gars, maintenant. Mais pas du tout, monsieur. Eh oui. Moi, je vous demande gentiment combien vous en voulez. Non, mais tu vas m'en rappeler, si je raccroche. Bah oui, monsieur, puisque vous m'avez pas répondu. Mais non. Mais je vois pas pourquoi je vais répondre à tes conneries. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas une connerie, monsieur. Mais oui, c'est des conneries, arrête tes conneries. Hein. Ne me rappelle pas, s'il te plaît. D'accord, mais combien? Allez, alors, merci. Monsieur, ne me rappelle pas, parce que cette fois-ci, je vais t'incendier. Bah oui, mais vous m'avez pas dit combien, monsieur. Ah bah attends, mais s'il y a des promesses, on rappelle. Ah bah alors, attends. Attends, ouais. Et si on nous promet ça en plus, vous savez bien qu'on aime bien. On rappelle, c'est parti. Est-ce que Toff se fera un nouvel ami? On verra. Allô? Oui. Oui, bonsoir madame. J'étais en communication avec votre mari, mais il m'a pas dit combien il en voulait pour son sperme. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Bah en fait, je voulais racheter du sperme à votre mari. Et vous rigolez, non? Vous n'avez pas bien dormi, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que vous arrive, mais vous avez trompé le téléphone, je pense. Mais pas du tout, madame. J'étais en communication avec votre mari. Et mais non. Mais si. Oui, mais je crois que vous devez appeler autre personne. Ne nous rappelez pas plus, s'il vous plaît, parce qu'on est occupé, oui? Alors. Bah oui, d'accord, mais alors combien il en veut, madame, pour son sperme? Allô? N'importe quoi. Bah, je pense qu'il n'en veut rien du tout. Attends, on va le rappeler encore un petit coup, avec un peu de bol on tombera sur monsieur, puisque soi-disant, il nous a promis monts et merveilles là, et j'attends là. sommes tous en train d'attendre. Oui, excusez-moi. Oh, attends, figure, écoute-moi maintenant. Oui. Là, tu rappelles, ça fait trois fois que tu appelles. Bah oui. Moi, j'ai envie d'être tranquille. Hein? Bah, oui, monsieur. Toi, tu as que des conneries à faire au téléphone. Mais pas. Oui, mais vous n'avez pas. Mais oui, tu as que des conneries. Alors, arrête de faire chier. Appelle quelqu'un d'autre. Mais d'accord, mais dites-moi combien vous en voulez, monsieur. Oh, figure. Appelle quelqu'un d'autre pour faire ta blague. C'est terminé. D'accord, mais vous, monsieur. Non, vous... mais n'insiste pas. Tu es lourd maintenant. Voilà. Ah non, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. J'ai fait régime et tout, je peux pas vous laisser dire que je suis lourd. Oh, figure. Oui, figure. Oh, figure. Reste calme, figure. Bon, minuit 45 sur Fun. Il y a le canular avec Mehdi qu'on va prendre dans quelques minutes. On va reparler avec Lionel des Paris. On aura également Patrick qui est avec nous, comme d'habitude. Là, vous prenez le contrôle de Fun. 01 42 48 5000 pour la Belgique. 02 851 4x0. Et venez nous rejoindre également hein, sur le Facebook. Hein, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis ajoutez-moi également sur le Twitter de l'émission. Twitter, vous tapez Mikael underscore. C'est le petit tiret en bas. Mikael_officiel, si vous m'ajoutez, bah, je vous ajouterai également, on se suivra mutuellement. Et puis bah vous repartirez peut-être avec votre sextoy également ce soir avant 2h du mat là. Allez, bonne chance tout le monde. Balancez un maximum de messages avec le hashtag Mikael sur Twitter. Allez-y, venez nombreux. Et on écoute Jason Derulo maintenant, c'est Dirty Talk sur Fun. La bonne soirée tout le monde et bonne nuit. Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio avec Dirty Talk. Allez, bienvenue si vous voulez débarquer. Ce qui est prévu dans quelques minutes, je vous cale le son de Ellie Goulding. Il y aura également le son de Redfoo avec Let's Get Ridiculous. Et Redfoo qui sera d'ailleurs avec nous hein. Ce sera à Starfloor. Ce sera pas ce samedi mais samedi prochain. Ça va être du très très lourd. Et ce sera diffusé sur Fun Radio bien entendu. Il y a Violine aussi qui dit putain moi si on me donne de l'argent contre du sperme, je donne direct à J'aime les sous. Et Warren qui dit si Sandro est disponible, moi je veux bien être son prince. Oh, c'est trop choupinou. Appelle-la, elle est là, 01 42 48 5000. Il y a aucun problème, elle t'attend, il suffit de l'appeler, voilà, tout simplement. Bon, minuit 50, vous savez le jeudi soir, on aime bien faire des canulars hein, sur Fun Radio, ça on se marre bien. Et puis bah on va essayer de se marrer ce soir là, on va prendre Mehdi qui est avec nous là. Salut Mehdi, comment ça va? Ça va ou quoi? Oh, les l'OM. Eh oui. Eh ben oui, évidemment, tu suis un peu le foot ou quoi? En ce moment, l'OM, ils vont se faire un peu enculer. Par un peu tout le monde. Hein. Oh là là, ouais. Putain, pour une surtout fois que j'entends... Sandro, hein. Ouais, ah oui, surtout par Sandro, ouais. Mais pour une fois qu'on entend un Marseillais dire en ce moment, l'OM, ils vont se faire un petit peu enculer. Hein. C'est bien. Ça fait bizarre. D'un orthophoniste, toi, qui as besoin. Ça fait... Oui, moi aussi, oui, effectivement, je te confirme. Bon, Mehdi, puisqu'on va pas parler de foot. Mais non. On n'a pas le temps. Bah non, on n'a pas le temps. Bon, on t'appelle on pour le canular. On va parler de sexe avec Sandro. Mais oui. Bah ok, canular. Ah, on va parler de sexe avec Sandro si tu veux. T'as envie de la pêcher ou pas? Mais juste pour une nuit, parce que sinon elle rend fou. Hein. Juste au téléphone, elle me rend fou alors. Hein. Ah, juste au téléphone, elle te rend fou. Écoute, et quand on passera à Marseille, tu passeras nous voir? Bien sûr, comment? Et tu peux héberger Sandro? Bien sûr. Parfait. Elle dormira sûrement. Ah bah parfait. Je savais que les Marseillais étaient gentils. On va aller manger des sardines. Ils ont la main sur le cœur. Exactement, ils peuvent recevoir. Il a la main à sa soeur ou sa copine si elle veut, il n'y a pas de souci. Très bien. La porte elle est grande ouverte. T'es pas dans le détail, c'est bien. Il n'y a pas que la porte toi. Ouais, il n'y a pas que la porte, non. Bon, alors Mehdi, on va faire le canular maintenant. On va faire quoi là? T'as une idée? Ouais, je vais dire que j'étais en train de jouer au poker avec des collègues. Attends, mais tu veux piéger qui d'abord? Tu veux piéger qui? Mon père. Ton père, d'accord, ok, très bien. Pourquoi ton père il joue, c'est un joueur? Mon père c'est un grand fan de poker. Non, très bien, parfait, ok. Alors tu vas lui faire croire quoi que... Tu veux lui faire croire quoi que t'as joué avec des potes et que t'as perdu? Voilà, et je veux dire que mon pote il a invité des autres. Ouais. Et après ça s'est mal tourné et j'ai perdu 3000 euros. J'ai joué 3000 euros qui m'a prêté mon collègue et je les ai perdus. D'accord, très bien, parfait. Et ok. Bon, et ton père, il aurait les moyens de lâcher 3000 euros ou il est juste? Et oui. Insultez-le, mettez-lui la rage. T'inquiète. Ne t'inquiète pas. Bon, allez, Mehdi, on y va, on va appeler ton père. Comment il s'appelle ton père? C'est quoi son prénom? Majid, oh putain. Oh putain. Non, il aime pas les Parisiens, je parie. Non, il aime pas. Eh ben voilà. Alors on est des mecs qui sont venus jouer dans le sud et on est parisiens. Comme ça va l'énerver encore plus. Évidemment, on va dévier sur le foot à un moment ou à un autre, certainement. Effectivement, tu vois. Avec son fils en train de se faire braquer, il va dire oh, non, putain de Parisien de merde, avec ton PSG de pute là. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Allez, vas-y, appelle-le. Vas-y, non, tu parles toi d'abord, hein. Tu dis papa, machin, j'ai un problème, faut que tu viennes m'aider. Et nous, on sera derrière, donc. Sois bon. Ouais, on te mettra des coups.

Ah, ça va? C'est vrai, c'est FN Radio? Ouais, ouais, qu'est-ce que tu as, si je te le dis? Putain, je me suis bien survêt, tu me les sentais, c'est parisien. Aïe, aïe, aïe, santé, oh. C'est sûr, ah, papa. Sûr. Oh, tiens le bonjour de Gilou, écoute-le. Arrête, oh, arrête, conneries. Oh, ah, qu'est-ce que c'est cette émission? Y'a pas de refus, non? Bon allez, oh, bah, Mehdi, comme promis, tu vas gérer le cadeau, on va voir le stock là avec T'aimes bien le skate ou pas Mehdi? Le skate. Le skate, faire du skateboard. Je préfère Sandro, moi, tu le sais. Eh bah, bah écoute, je t'envoie Sandro sur le skateboard j'ai, électrique. J'ai testé le skate électrique, il voilà. Claque de folie. Exactement, ouais. Bah, allez, vas-y, je prends. Tu vas gérer ça avec Sandro standard. Non, c'est un skate qui déchire, on a mis la vidéo sur Facebook, faut aller voir. Et des vitesses et tout. Hein. Mais ouais, c'est de la folie. Bon, allez, salut tout, salut merci à vous deux, merci. Merci beaucoup, Radio, merci beaucoup, que votre radio dure encore plus longtemps. Eh bah, et allez l'OM. Allez l'OM, merci chef. Ciao. Allez. Et allez l'OM. Bon, ah, et la vidéo on l'a mise hier. Hein, si vous voulez la voir, n'hésitez pas. C'était Toff et moi sur le skateboard. Et puis quelques jours avant dimanche, je crois qu'on a mis la vidéo où il y avait Polo et Sandro. À aller voir également. Serge qui est trop bon le canular là de Mehdi et le poker. Une tuerie avec des belles phrases de bienvenue qui seront cultes. Ah oui, à mon avis, il va y avoir de belles phrases de bienvenue. Il y a Mika de la Vega qui dit trop mort de rire le canular. Je suis plié en deux. Là, vous êtes trop fort. Continuez comme ça. Nathalie qui dit Mickaël. Lol, Mickaël, trop fort. Mehdi. Il est mort ce soir, c'est Joseph. Ça aussi, c'est sûr. Et Anna qui dit canular plus que réussi. J'ai kiffé de fou. Et Serge aussi, trop bon le canular de Mehdi. Guillaume qui dit le père, il est juste énorme. Ouais, j'aimais bien la mère. Il faut appeler la police. Je n'ai rien à foutre de la police. La police, c'est moi ici. Et Alexou aussi. En même temps, c'est normal. On a fait chier son fils. C'est normal que le mec soit énervé. Alexis qui dit oh putain, des grosses barres ce canular. Le mec qui impose. Qui quoi? Qui impose Gilou dans le canular. C'est Stéphanie. Il était très fort Mehdi. Mais t'as vu qu'avec le père il se l'a ramené moi hein. Papa c'est moi. C'est pour rire. Alors que là il se l'a ramené sinon. Et GTR qui dit mort de rire Gilou, il en a rien à foutre le daron de Mehdi. Chris aussi qui dit énorme le canular, le prince l'a dit également. Et Violine qui dit putain moi ça donne. Ah oui ça c'était autre chose, c'est par rapport aux appels avec Toff. On va refaire dans quelques minutes d'ailleurs. Mais j'espère bien. Mais oui, on va d'abord écouter le son d'Ellie Goulding maintenant sur Fun Radio avec Burn. Bienvenue tout le monde. Il est 1h05, on est en pleine nuit, il n'y a pas de pub sur Fun Radio pendant toute la nuit. Et on écoute Ellie Goulding, on revient juste après sur Fun Radio. We don't have to worry about nothing. Sur Fun Radio, c'était Burn. Bienvenue tout le monde. Venez foutre le bordel tous les soirs. No limites. Fun Radio. Nickel, no limites. Fun Radio. En direct sur Fun Radio, il est 1h09. On est en direct avec Violine qui a envoyé un message aussi d'ailleurs qui dit putain, moi si on me donne de l'argent contre du sperme, je donne direct, j'aime les sous. Ah bah très bien. Oui. Et le prince qui dit qu'il est grossier personnage, le mec que vous avez eu tout à l'heure. Warren il dit oh putain, le père de Mehdi parle de la mafia, il va loin. Et Guillaume qui dit je kiffe, il va se réveiller, il va réveiller tout le quartier avec ses 3000 euros. Et le mec qui a 3000 euros. On cache quand même, c'est pas mal. Anna aussi, oh putain, vous me tuez mort de rire, j'ai avalé mes raviolis de travers. Et encore Anthony, il est bon ce canular. Bon, on vous le remettra dimanche si vous voulez en réécouter d'autres, il n'y a pas de problème. Jean-Michel, génial les demandes de Toff quand il appelle les gens, n'empêche, c'est quand même un enfoiré. Tout de suite. Bah, si, non, mais il a raison. Et Megumi qui dit, crie pas, Mickaël, pense à ta voix et à mes oreilles accessoirement. Ouais, mais contre toute attente, ma voix va mieux. Je comprends pas comment ça se fait. C'est bizarre. Profitons. Bah oui, effectivement. Ariel qui dit vas-y Morgane, motivation façon Las Vegas parano, une main lave l'autre, j'ai peur de rien. Oui, la Morgane qu'on a dit tout à l'heure parce qu'elle sortait avec un mec qui lui-même sortait avec un autre mec, donc c'était un peu compliqué. Et puis là on va prendre Patrick, 28 ans du Val-de-Marne. Salut Patrick. Ça va? Ouais, ça va et toi? On est bien, on est comment? On est plutôt bien là, Patrick. Plutôt bien, et toi? Bon, alors, on est bien. Moi, ça va, là, parce qu'aujourd'hui, j'ai pu me débrouiller. Mais en fait, j'ai un problème, là. C'est pour ça que je vous appelle. Qu'est-ce qui va pas? En fait, moi, mon truc, déjà, majeur, c'est que j'ai besoin tous les jours de faire l'amour. C'est pas très grave, en soi. Oui, ça dépend. C'est si ça, t'as pas de meuf, c'est ouais. Pas, mais... C'est pas ça, mon problème, en fait. C'est que je peux pas faire l'amour deux fois avec la même fille, sinon j'arrive pas à bonder. Là par contre t'es plus dans la merde. Ouais c'est ça mon problème moi. Non, mais t'es sérieux? Ouais je suis sérieux. Genre tu tapes une meuf, 365 meufs par an? Non mais c'est ça le problème, c'est qu'à la finale je suis obligé d'aller voir les prostituées, tu vois. Waouh. Ah ouais, la prostituée, je peux pas faire deux fois avec la même prostituée. Il faut la changer, t'as un toc en fait. Donc moi j'habite à Nogent-sur-Marne, donc dans le 94 à côté de Vincennes. Oui, ouais. C'est pas comme s'il y avait des prostituées en fusion. Ouais, mais toutes les procédures du 94, je les ai faites. Ah d'accord, mais ça te fait un budget mec hein. Bah ça non, mais en pire, avant ça allait encore, parce que ça, tu vois, ça va autour des 50 euros, mais là comme le 94 je l'ai rincé, je suis maintenant, je suis passé sur, rincé. Tu vois, sur... Ouais, enfin, je suis passé sur, tu vois, sur les escort girls, tu vois. Oh, mais ça doit coûter une fortune, ça. Là, par contre, c'est plus rush, hein. Ah ouais, là, je suis pas bien, là. Ah ouais, non, là, non, ouais. Ça te coûte combien, là, l'escorte? Ouais, là, l'escorte, bah, l'escorte, parce que Polo, il se posait la question pour lui. Bah oui. Bon, au début, j'étais un petit peu un pigeon, donc je faisais ce qu'elle me demandait, donc c'était à peu près dans les 300 euros. Oh là là, mais t'es un ouf. Putain, ah ouais, et t'as peut-être une branlette, hein, mec, ça coûte moins cher. Mais non, mais c'est... Alors, le problème, c'est quoi? C'est que 300 euros, genre, tu peux rester avec elle deux heures, machin, la baiser deux fois, mais moi, je te dis, je peux pas. Bah oui, c'est ça le problème, c'est toi, t'es coincé à une seule fois, quoi. Et voilà, et en vérité, mon vrai problème maintenant, et ça, c'est vraiment un souci, c'est que... C'est l'argent, parce que t'es un peu en galère. Non, ça va encore. T'es amoureux. Non, je suis très rapide, en fait. Je sais pas si je suis un éjaculateur précoce, mais ça dure 2-3 minutes max. Oh, mais mec, t'as payé pour une heure 300 euros, et en fait, ouais, tu mais ça, éjacules... Ça, c'était au début, ça. Et t'éjacules au bout de 2 minutes. Ah putain, ça fait cher la minute, hein. Ouais. Mais si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que si toi tu la baisses pas deux fois, tu la baises une fois, puis moi je la récupère pour le reste de la voilà, vie. Elle est gratuite, ouais, c'est ça. Et puis après Tof, je récupère. Ah bah non, c'est deux fois. Ah merde. Ah oui, c'est deux comme fois. Comme ça, vous partagez quoi le, ouais. le prix. Bon Patrick, reste avec nous 2 minutes. Tiens, est-ce que vous avez déjà eu des tocs sexuels? Venez nous en parler. Tiens, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 pour la Belgique. Et puis Facebook, Twitter, vous m'ajoutez en tapant MIKL officiel sur Facebook et MIKL underscore avec le petit tiret en bas. Oh. Officiel sur Twitter. On peut parler de Polo, hein, puisque lui c'est dans les cheveux. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah lui, c'est un toc. Ça s'appelle un toc. Ça s'appelle un toc. Moi, j'ai un toc. Il faut pas que je sente. Bon, c'est un, je vais être vulgaire, mais il faut pas que je sente la chatte. Parce que sinon, je peux pas. Non, mais sérieusement, tu sais, ça a une odeur. Non, mais c'est vrai. Arrête de regarder. Ça m'étonne qu'il est quasiment jamais niqué. Comment tu fais un brout de minou, Polo? Mais je fais pas. Ah, je peux pas. Je vais avoir des boutons sur la bouche, moi. Ah, quoi, jamais tu. Ah non, jamais. Tu mets jamais ta langue dans la chatte. Ah, jamais. Ah, il y a des mecs comme ça. Non, mais je vais avoir des boutons. Ah, mec, c'est ma plus grande passion. Non, mec, tu mets pas la langue à l'intérieur. Oui, mais le clito quand même. Oui, ou jamais. Ah non, jamais. Je peux pas. Oh là là, putain. Non, je mets des doigts. Je fais tout le merdier, mais je peux pas. Tout le merdier. Vous avez remarqué quand même la grande classe. La grande classe. Vous êtes déséquilibré. Complètement. Ouais. Mais t'as qu'à mettre une capote féminine sur la. Non, du truc, il y avait un truc à un moment, t'es oui, espèce... Exactement, ça fait, c'est comme une capote, mais en large. En droit, quoi. Et ouais, tu voilà. Fais. Oh, c'est nul. Oh là là. Bon, alors venez et appelez-nous hein, si les filles, les garçons, vous avez déjà eu, vous êtes tombé sur quelqu'un qui avait un toc sexuel, hein, comme Patrick, là, il peut pas se taper plus d'une fois la même personne, sinon ça va pas. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va donc rappeler d'autres personnes avec Tof dans quelques minutes, et avant ça, on prend quand même et on va parler des paris avec Lionel de Montpellier. Allô Lionel. Ouais, allô. Bon, alors Lionel, bonne nouvelle, c'est pas encore fait, mais il y a beaucoup de gens qui ont demandé qu'on passe à Montpellier pour faire l'émission en direct. Donc ce sera le 6, 7 ou 8 décembre, je sais plus, enfin le dimanche de ce moment-là, je crois que c'est le 8, mais je suis pas sûr. Ouais, ah, plus, bah, ce qui est bien à Montpellier, c'est là qu'on boit le plus en France, donc oui, on sera bien. Oui, paraît-il, exactement, ouais. Donc bah, je confirme. Ouais, ah bon, tu confirmes, très bien. Et oui, si on vient à Montpellier, tu passes nous voir? Ouh, ça dépend si tu travailles ou pas, si tu travailles. Bah, c'est un dimanche soir. Ah, je sais pas si je suis de service, faudra que l'on regarde. Écoute, on verra. On va tourner la bouteille. Bon, après, c'est pas encore sûr qu'on vienne à Montpellier non plus, donc on verra, hein. Mais bon, si jamais on vient là, on vous préviendra, bien entendu. Vous pouvez encore donner vos avis sur le Facebook. J'ai mis un post il y a 2-3 jours. Allez-y, donnez vos avis. On fera un petit best-of parmi tout ça. Best-of de ceux qui appellent également pour voir où est-ce qu'on se déplace la prochaine fois. On l'a fait Nancy il y a presque 3 semaines. Et donc, bah voilà, tout début décembre, le dimanche 6, 7 ou 8, je sais plus quel jour ça tombe. Enfin, c'est ce dimanche-là. Et ben, on viendra, on va encore bouger, mais je sais pas encore où. Donc, allez nous donner vos avis sur le Facebook, le Twitter et sur les SMS également, débuté par Rémi-Kaël. Envoyez ça au 64 900 ou au 30 44 depuis la Belgique. Bon Lionel, alors toi tu voulais parler des paris, puisqu'il y a deux Anglais qui avaient parié sur un match de foot. Il y en a un qui a parié sa maison et l'autre qui a parié sa voiture et sa femme, l'enculé. Et c'est celui qui a parié sa maison qui a perdu. Alors t'as fait quoi comme pari ridicule? J'ai éclaté le pied de mon meilleur ami. T'as éclaté le pied de ton meilleur ami? Pourquoi? Ouais. Avec la voiture. Ah, c'est vas-y, pas mal, vas-y, ça, vas-y, vas-y, ouais, dis-moi alors. Bah en fait, il était devant moi, il voulait pas se pousser, et je lui dis, en plus, bon, il y a longtemps ça. Ouais. Et je lui avais dit, bon, dégage, parce que franchement, j'ai troulé dessus, quoi. Il dit, ouais, je te parie, je sais pas quoi, tu le feras jamais. Alors, d'accord. J'ai mis la première, terminé, au revoir. Mais quel ouf. C'est sympa ça. Ah ouais, dis donc, tranquille toi, hein, rappelle-moi de jamais devenir ton ami, et si on vient à Montpellier, finalement, ne viens pas. Alors, non, faut juste pas faire de paris stupides avec lui, quoi. Ouais, ou alors faut pas faire de paris stupides avec toi, t'as raison, ouais. Donc, ah ouais, pas mal, pas mal. Et le pire, c'est la roulette russe. Camin, dis-moi. C'est la roulette russe. Oh oui, non, mais vas-y, mais dis-moi, t'as fait quoi là, avec la roulette russe? Bah, j'étais avec mon meilleur ami. Bon, on est aussi fracassés l'un que l'autre. Donc, ouais, d'accord. Ton meilleur ami qui a perdu une jambe sous ta voiture. Hein. Non, un autre. Ah, un autre maintenant, d'accord, ouais, vas-y. Un autre. En fait, mes parents étaient pas là, et puis bon, comme on est un peu militaire sur les bords, entre guillemets, un peu, ouais. Je dirais. Voilà. Ça veut dire quoi, être militaire sur les bords? Ça veut dire ce que ça veut dire, il y en a qui comprendront. Ah oui, mais nous, on a pas compris, justement. Je vais quitter ce petit tour. Hein, le militaire, là. Hein, m'oblige ouais, donc... pas. Hein, attends, avec une petite dans le derrière, là. Parce qu'on est armé, nous aussi. Non. Attention, ouais. Quoi? On est armé, nous, attention. Ouais. Et attention. Et bon, bref, on s'est tapé un délire, quoi. Puis bon, on a fait la roulette russe avec mon 357, et puis voilà, puis la balle est partie. Non, mais t'es sérieux? Ah oui, je suis sérieux. Mais oui. C'est des grands malades. Mais toi, t'as un grand psycho dans ta tête, hein. Non, pas du tout, non. Ah bah non, je mets une balle dans un barillet, et puis je le fais tourner, et puis je tire. S'il n'y a pas de balle, bah tant mieux, c'est une balle. Non, il y en avait une, non, parce qu'on a bien vérifié. Pour être sûr. Non, mais... ouais, il y en a une. Et la bastos, elle est partie dans le plafond. Parce que lui, il a pas eu les couilles, donc forcément, bah, comme c'était lui le troisième, la troisième, elle est partie en plafond, quoi. Le troisième coup, il a pas eu les couilles. Mais il a pas eu les couilles, évidemment qu'il a pas eu les couilles, mais il va pas se tirer dessus juste pour un pari à la con. Bah si, on avait parié quand même, quoi. On avait Non, mais à l'époque, j'avais dit, je suis sûr que tu le feras pas. Et oui, moi j'aurais dit, t'as raison. Hein. Donc voilà, je lui ai laissé le choix, c'est lui qui a mis la cartouche dans le barillet, en fait. Et voilà quoi. Puis après, d'accord. Voilà, c'est terminé. Écoute, je crois que j'ai vérifié dans ton agenda et apparemment tu travailles ce dimanche-là quand même, si jamais on vient à Montpellier. Hein. Ah bah c'est bon ça. Ouais, non, mais je crois que tu travailles justement, ouais. Je pense que tu travailles. T'es pas disponible ce soir-là, me semble-t-il. Ah mais non, mais même, je serais peut-être même avec vous au niveau boulot, c'est pas impossible d'ailleurs. Non, vraiment, je pense que t'es pas dispo là ce jour-là. Là. Et tu fais quoi comme boulot? C'est pas moi qui verrai, c'est ma société qui va verrai. Tu fais quoi comme taf? Sécurité. Ah, sécurité. Ouais, non, ah, tu sais, bah, pourquoi tu seras avec nous? Oui, nous, on n'a pas besoin de sécurité. On n'a pas besoin de sécurité, nous, on est tranquille, nous, hein, on est pas des stars. Bah oui. Je suis garde du corps. Il y a Guillaume qui dit, ce mec a aucune pitié, il est complètement fou. Et Megumi qui dira, Polo, moi qui étais prêt à coucher avec toi, je le ferai pas vu que tu ne fais pas de minou, c'est dommage. Bah ouais. Ouais. C'est dommage. Alors, tu sais que toi, il vient de t'insulter, là. De quoi? Ouais, il a dit que t'es un gros enculé de Montpellierin de merde. T'es qu'une merde, il a dit. Ouais, et c'est ce qu'il a dit. Alors là, franchement, ça me dérange pas du tout parce que déjà, je suis pas de Montpellier à la base. T'es de où? C'est pas mon truc, du Nord. T'es du Nord, il a dit que t'étais un putain de nordiste de merde. Tu sais quoi, ça me fait ni chaud ni froid. Il a dit que t'avais une sale gueule, que tu méritais qu'on te tape, et d'ailleurs, il a dit qu'il allait te taper, il avait pas peur de toi, que t'étais une petite merde. Va défoncer ta gueule. Ah bah c'est bien, tant mieux pour lui. Et qui va prendre le 357, tu vas te le mettre dans le cul. Exactement, ouais. Moi je trouve que ça mérite vengeance. Ouais, bah y'a pas de soucis. Hein. Ah parfait. Ah bah viens avec nous alors. Peut-être qu'on ira à Montpellier finalement quand même, on va voir. Bon, et bah écoute Lionel, j'espère que tu passeras nous voir si on y va. Hein. Bah écoute, j'essaierai, donc tu m'as dit le 7, c'est officiel, c'est pas encore officiel. Non mais je sais pas encore, mais si on y va, attends, y a pas un agenda là en cette merde? Et Toff vient de rajouter, il est tellement puissant et c'est un peu le Iron Man de Montpellier, Toff. Voilà. Tu peux même lui rouler dessus, il en a rien à foutre. Exactement. Sans problème. Ouais. Bon, c'est le 8 décembre quand on va bouger. Je sais pas encore si on va aller à Montpellier ou pas, mais en tout cas, ce sera le dimanche 8 décembre qu'on va passer vous voir. Alors à Montpellier ou ailleurs, on verra, hein, je sais pas encore. Alors théoriquement, normalement, je devrais pas bosser. Sauf que on a une soirée de prévue juste avant. Parfait. Eh ben écoute, Toff sera ravi de te voir avec ton 357 dans le fion. Non, pas du tout, non. Oh merde, déception totale, déception. À savoir que c'était légal, hein, les armes sont légales. Ah oui, non, bah encore heureux, mais c'est pour ça. Ça faisait partie du boulot, quoi, à l'époque. Toff sera ravi, il s'assoit, mais oui, il va s'asseoir dessus. Bon, ben merci Lionel, en tout cas, d'être passé, tu reviens quand tu veux, à bientôt. Hein. Ouais, ok, ça marche. Salut, ciao. Allez, toi. Il y a Hugo également qui a fait des paris à la con, là. Salut Hugo. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Bah tranquille, ouais. Il y a Joseph aussi qui a envoyé un message qui dit mort de rire, le top. Toff, le garde du corps. Bah oui, il va prendre, t'inquiète. Il y a Rodriguez aussi qui dit place de la comédie à Montpellier. Bah oui, en plus, c'est là qu'il y a les studios de fun. Donc si on vient, effectivement, on sera à place de la comédie puisque c'est là qu'il y a le studio de fun. Donc ça, c'est plutôt bien. Sandro sera contente parce qu'il y a un quick juste sur le coin. Oh là là, on va être contente. Oui, il y a plein de bars. De la salade verte, il y en a un tranquille où ils font des mojitos. J'avais été la dernière fois, c'était parfait. C'est pas cool ça. Oh là là, on va être bien là. Il y a le prince qui dit je préconise Patrick l'abstinence, son compte en banque lui dira merci. Bah Patrick, c'est celui qui a des tocs sexuels. On va en parler après Hugo là, de l'un. Alors Hugo, ouais, de l'autre. Donc comment gros, ça va? Bah, ça va très bien. Bon, c'est quoi ton donc, c'est qu'est-ce que t'as déjà fait comme pari de merde? Bah en gros, bah moi j'étais chez mes grands-parents, tranquille, pévert. Ouais, pévert. Et en fait, j'étais avec mon cousin et on avait fait un pari, c'était celui qui mangeait, on avait une grosse assiette de frites et c'est celui qui mangeait le plus vite. Et bah l'autre il avait un pari, quoi, un gage normal. Ouais. Et en fait, et bah moi j'avais perdu, mais j'avais quasiment fini l'assiette. Et donc du coup, juste après, en fait, et comme il y a des gros murs chez mes grands-parents, enfin il y a vraiment des espèces de ruines, quoi, enfin. Normal. Et bah en fait, et bah moi, il m'avait dit saute d'un mur, mais il était super grand, mais 3-4 mètres de haut, enfin, truc, enfin, il était assez grand. Et donc du coup, et bah moi j'ai sauté mais en essayant de me rattraper. Mais en fait, et bah comme un con, et bah j'ai glissé. Donc en fait, la pente, c'est une côte, quoi, c'est en pente. Ouais. En gros, moi je suis tombé. Et en fait, je me suis cassé la jambe. Après j'ai dégringolé, je me suis fait plein de bruit partout, j'ai eu super mal à la tête pendant je sais pas combien de jours. Donc je me suis cassé une jambe, je suis allé à l'hôpital, je me suis fait plâtrer. Et ce qui est bien, c'est que c'était pendant les championnats de l'un individuels de tennis. Ouais, putain, wow. Et en gros j'étais genre en quart ou demi-finale des championnats de l'un. Waouh. Et individuel. Et je me suis cassé la jambe juste avant. Ah oh, putain, wow, c'est con, ça, t'aurais pu être champion là. Hey, tu veux pas écrire un film? Mais non, mais attends, mais c'est vrai, attends, le mec il est quand même là-dedans, ça se trouve, tu sais pas sur quoi ça peut déboucher derrière. Hein. Enfin là en l'occurrence pire, que dalle. Le pire c'est juste après je suis tombé, j'ai vomi parce que j'avais les frites encore dans le ventre. Ah. Eh ben, bien fait. Dégoûté. Bien fait Hugo. Et depuis ce temps là t'as cette voix un peu fluette. Oh ça va muer, ça va venir. Oh ça va venir. Bon Hugo, depuis tu fais encore des paris à la con ou pas? Ah non. Ah t'as arrêté. Ouais mais t'as raison. Bah je te mets un coup de pelle dans la gueule, tiens, pour la peine. Voilà, c'est plié comme ça, c'est fait. Bon bah merci Hugo d'être passé, tu reviens quand tu veux. Merci à vous. Salut Hugo, à bientôt. Merci du coup téléphone. Ciao. On va prendre Clara dans quelques minutes également là, qui voulait réagir par rapport au toc sexuel de Patrick, qui lui ne peut pas coucher avec une femme plus d'un soir. Il est obligé de changer quasiment tout le temps. Il y a Asdine, il y a Arthur également qu'on va prendre dans quelques minutes pour parler de ça. Et puis on va se faire le son maintenant de Red Foo sur Fun Radio avec Let's Get Ridiculous. Il est 1h23. On est en pleine nuit. C'est la nuit sans pub sur Fun Radio. C'est Mickaël Nolimitch jusqu'à 2h. Yeah. Venez foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No Limit. Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. En direct sur Fun Radio. On est là dans toute la France, dans toute la Belgique. Vous nous écoutez partout et vous pouvez nous appeler évidemment 01 42 48 5000 si vous êtes en France. Si vous êtes en Belgique, 02 851 4x0. Et si vous êtes partout ailleurs, eh ben vous faites le 00 33 1 42 48 5000. C'est aussi simple que ça. Des messages, il y en a plein qui sont arrivés. Il y a Toff et Sandro ensemble, joli couple. C'est Jean-Michel. Ouais, ça reste à prouver, ça encore. Il y a GTR qui dit on peut écouter Rihanna et Eminem, s'il te plaît. Ben, je l'ai mis déjà en début d'émission, GTR. Et Guillaume qui dit non, c'est nul en France, venez à Montréal. Nous les Québécois, on est des petits fous de la fête. Bah t'inquiète pas, on va passer un de ces quatre là. Il y a Pierce169 qui dit je peux avoir la chanson d'anniversaire. Je me suis inscrit sur Twitter juste pour ça. Et sinon, génial le canular de tout à l'heure. Bah c'est ton anniversaire, mais tu nous as pas dit quel âge t'as là. Balance l'info. Et Selena qui dit Toff est infâme, mort de rire, mais bon, on l'aime bien quand même. Et Benjamin, les mecs, vous êtes déments, je suis en train de taffer. Putain de dossier à rendre demain là. Grâce à vous, je me tape des barres. Bah c'est le principal en même temps, tu me diras. Bon allez, on va revenir maintenant avec vous toutes et vous tous avec les paris encore stupides, venez nous en parler. Et puis on aura Xavier d'ailleurs à ce sujet. Retour avec Patrick, t'es toujours là Pat? Ouais, je suis là les frères. Avec ses tocs sexuels là, il a besoin de baiser tous les jours et il peut pas le faire il peut pas se faire deux fois avec la même fille en fait. Et attends, tu fais quoi Patrick en même temps là? Bah en fait je fais rien. Attends, excuse-moi, j'en ai plus. Ah oui, c'est parce que t'as le kit ma libre. Bah alors, en vérité, voilà. Ouais, t'as bâclé mon problème, hein, vous m'avez laissé comme ça un petit peu. Mais j'ai pas bâclé ton problème, la prof, je te reprends, Patrick. Ouais, je sais, excuse-moi. Bah, non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas envie de baiser comme un fou, je suis pas un malade. Hein. Mais justement, vraiment envie de faire l'amour, quoi. Enfin, pas tous les jours, c'est genre au moins trois fois par semaine, sinon je suis pas bien, quoi. D'accord, bah attends, parce qu'il y a justement, il y en a plein qui voulaient réagir. Il y a Arthur qui est là également de Bordeaux, là. Salut Arthur, le Bordelais, comment ça va? Et bonsoir, ça va, tranquille? Ça va et toi? Ça va, nickel. Bon, alors vas-y, balance, c'est quoi ton problème, toi? C'est quoi, t'as aussi le même toc sexuel que lui, ou ouais, c'est un autre? C'est pas ou... un problème, c'est plus un toc, quoi. Je suis gavé maniaque de la propreté, excusez-moi. Oui. Et faut que je voie la fille se laver avant l'acte, tu vois. C'est Oh la meuf, elle doit vexer. Quoi? Tu crois que je suis pas propre? Tu crois que je suis sale? Non, c'est depuis que je suis tombé sur des cas, tu vois. c'est voilà, c'est, je suis tombé, mais t'es tombé sur quoi, vas-y raconte. Sur des pulls verts, tu vois. Des filles qui puent, qui ont vraiment une odeur mais vraiment très très sale, c'est vraiment à vomir. Ah bah oui, mais après tu te dis mais ça mais quand même pas qu'elle se lave, elle faut qu'elle reste chez elle, c'est tout. Oui. Et donc vas-y continue. Et donc moi comme je dis, je suis obligé de voir la fille se laver. Pas de... Ah ça, ah oui, c'est vraiment maniaque, c'est vraiment. D'accord, avant de coucher avec la meuf, vraiment... t'es obligé de la passer au Karcher quoi. Ouais, il fait l'inspection, ouais, c'est normal, moi je ferais comme à lui. À l'éléphant bleu, ouais. D'accord. L'éléphant bleu, qu'il est con. Non, mais ça va, c'est vrai que c'est moins compliqué. Enfin, c'est emmerdant, mais c'est quand même moins emmerdant que Patrick, parce que pour le coup, lui, il est vraiment de la thalasse. Attends, il y a Clara aussi qui est avec nous, la 27 ans de Paris. Salut Clara. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va et vous, tranquille? Bah, écoute, ma foi, plutôt pas mal, Clara, là, tranquillement. Est-ce que t'as un toc sexuel, toi? Pardon? Je disais, est-ce que tu as un toc sexuel ou un conseil éventuellement à donner? Bah oui, justement, parce que bon, j'ai entendu le témoignage du jeune homme, et j'ai pas rentré dans les détails, mais on va dire que j'ai connu quelqu'un qui avait les mêmes problèmes, et en fait, si tu veux... C'est un... Pendant un moment, il a été avec une femme très très très longtemps. Ouais. Et puis... Mais comment il a fait s'il est resté avec la femme très très très longtemps? Il l'a baisé qu'une fois et puis c'est fini? Alors justement, c'est par rapport à ça que le mec, il a bloqué. Et puis dès qu'il a arrêté avec cette femme-là, il a fait un blocage. Et il a commencé à coucher à gauche, à droite. Et il était obligé de coucher avec une femme... Une autre, ça allait de une fille par jour jusqu'à 3, 4, 5 filles par jour. Quoi ? 5 filles par jour ? Putain, mais comment il fait pour les trouver, lui ? Il a un mode d'emploi, il a un site, il a quelque chose, non ? Ouais, parce que moi, ça m'intéresse. Hein. Sans déconner. Non, mais c'était vraiment, c'était un chaud lapin. Et puis, d'après ce qu'il m'avait expliqué, il était posé avec sa femme. Et puis, dès qu'elle a largué, lui, moi, je pense qu'il y a eu un élément déclencheur. Elle et son ex. Il y a eu un élément déclencheur de quoi, tu dis ? Ça a coupé. Allô ? Clara, reviens. Clara ? Oui, je suis là. Ah voilà, tu disais qu'il y a eu un élément déclencheur et puis on a plus entendu, ça a coupé. Oui, je suis là. Oui, bah, très bien, mais tu disais qu'il y a eu un élément déclencheur et après on a plus entendu, ça a coupé. Ouais, désolé. C'est rien, ça, c'est vas-y. Mon portable. Ouais, le téléport, portable de merde. Enfin bref. Donc oui, en fait, si tu veux, il a été avec une femme pendant 6 ans. Ouais. Il a été posé avec elle, etc. Et puis en fin de compte, au bout de 6 ans, elle l'a jeté. Et puis juste après, c'est là qu'il a commencé à aller voir à gauche, à droite, à coucher avec une fille. Alors donc il a chopé une prostituée, etc. Des filles qu'il trouvait, voilà. Et c'est vrai que ça, alors c'était une fille par jour, même le maximum qu'il ait eu, c'était je crois 8 filles. Non mais attends, il doit baiser 8 fois sur la journée. Mais attends, il doit avoir la bite en chou-fleur surtout. Non, c'est sérieux. Et en fin de compte, je pense que ce qui s'est passé avec son ex, ça l'a tellement, je pense, bloqué, ça l'a tellement, ça lui a tellement fait du mal que je pense que ça a peut-être été ça l'élément déclencheur pour qu'il aille voir à gauche, à droite. Parce que lui, maintenant, il est comme ça, il va voir à gauche, à droite, il a aucun sentiment. Ah ben c'est devenu un enculé comme Toff. Voilà, exactement. Voilà, en toute simplicité. Non, mais c'est vrai. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Mais c'est vrai que même pour lui, c'est vrai qu'il voudrait faire sa vie. Mais genre, deux comme ça, en fait. Ah, t'as deux mecs, putain, ça c'est un problème. J'avais jamais entendu ce problème de ma vie. Là, t'en as deux, toi, tu connais deux directement. Oui, parce que en fin de compte, j'ai été prostituée auparavant. Ouais. En fin de compte, c'est pour ça. D'accord. Donc autant qu'on soit clair, comme ça au moins. Ah non, mais je m'en fous moi après, hein, ce que tu veux. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis permise d'appeler là. Voilà. D'où tu connais les deux mecs qui étaient comme ça? Alors du coup, ils viennent te voir en disant. Ah non, une ancienne. Allô. Oui, ancienne. Allô, quoi. Non, mais j'ai compris. Eh hey, oh Clara, elle te rabaisse pas de venir comme Nabila. Hein. Est-ce que Clara, elle est passée dans le 94 déjà? Est-ce que t'es déjà passée dans le 94, Clara? Là, Patrick voulait savoir s'il te connaissait. Pardon ? Est-ce que t'étais passé à l'époque quand t'étais prostituée dans 94 ? Non, pas du tout. Moi, j'étais pas à la rue. Moi. Ah ouais. J'étais pas. Bien sûr, je connais pas. Tu connais tout le monde. Là, c'est l'agenda. Donc, non. Donc, t'étais voilà. L'escorte ? On va dire ça à peu près. C'était d'accord. dans un état. Enfin voilà. C'était. Je te parle de ça il y a des années. Ouais, tu vois, ça m'intéresse. On va au-dessus. Parce que Polo, par exemple, lui, il adore à Bruxelles, la rue d'Arscott. Il passe dès qu'il y va, il fait le trottoir. Avec enfin, il fait le trottoir. Il marche sur le trottoir pour voir les vitrines. C'est ça que je voulais dire. Je suis con. Non, non, non, non, non. Moi, j'étais pas en mode vitrine. J'étais travaillé dans des bars. D'accord, ok. Attends, parce que il y a aussi Asdine qui est avec nous. Salut Asdine. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah tranquille, ouais. Toi aussi, tu voulais réagir par rapport à Patrick? Non, moi c'était par rapport au Paris. Ah, c'est par rapport au Paris, d'accord. Ouais. C'est moi qui ai mal lu. Alors attends, bouge pas, Asdine. On va te reprendre dans quelques minutes, là. Bouge pas. Et donc, Clara, c'est pas une légende. Il y a vraiment des bars où les filles sur Paris, il y a ces bars-là. Attendez, oui, bien sûr. Ah, bah oui, merci. Tout est là. Écoutez, je pense qu'on n'est pas des enfants. On veut parler de certaines choses, etc. Mais oui. Donc non. Oui, ça existe bien. Enfin, auparavant, ça existait. Maintenant, à l'heure actuelle, non. Ce n'est plus du tout le cas. D'accord, ok. Ouais, dommage pour Polo. Hein. Il est très déçu. Ah, tu viens de ruiner sa soirée. Là. Mais je t'emmènerai à la frontière si tu veux. Voilà. On ira en Hollande. Bon, alors, du coup, bah, merci beaucoup, Clara, en tout cas. Bah, y a pas de problème, hein. Merci à vous, puis passe une bonne soirée. Et bah, merci, bonne nuit. Bonne continuation à vous, hein. À bientôt, Clara, à bientôt. Merci. Salut, salut, ciao. Patrick. Oui. Mais t'as pas pensé à voir quelqu'un à consulter, parce que c'est con, mais peut-être que ça peut t'aider, hein. Non, mais t'as raison, je sais, mais au début, je croyais que c'était parce que j'étais un petit peu comme ça, excité et tout. Donc après, quand j'ai rencontré une personne que j'ai vraiment appréciée, je me suis aperçu que même avec elle, ça me faisait la même chose. Alors je vais te faire une confidence. Ce qu'on a fait, on avait été, je sais pas si vous connaissez le Mama Shelter à Paris. Bon bref, c'est un hôtel très sympathique. Ouais. Où il y a des masques dans la chambre de Batman, de machin, de Mickey. Sympa. Attends, Toff va directement voir là, directement. Bien sûr. Quel enculé. Ouais, non, c'est mignon, je te jure, j'ai mis le masque et hop, c'est reparti. Après, donc, tu vois, c'est marrant. Après, on ah, t'es obligé de déguiser toi. Ah ouais, c'est marrant ça. Non, elle, j'ai mis le masque. Enfin, elle. Ouais. Non, mais j'ai mis le masque de Mickey. Non, c'était Batman. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché, tu vois. C'est marrant, c'est chelou. Mais ça a marché. Et derrière, on a essayé de le refaire avec le même masque. Ça n'a pas marché. C'est improbable, ça, quand même. Et franchement, ouais, va voir un psy ou un sexologue. Hein. Je suis sûr que... Non, mais... Bah oui, tu vas pas rester comme ça. Me donner une solution, moi. Bah ah là bah, j'ai pas de solution. Achète des masques mais beaucoup hein. Mais non mais non en mais non grande mais quantité. Non. Mais non mais il y a un moment faut voir ça avec un psy ou un sexologue hein. Sincèrement parce que là je vois pas hein. Quand je suis pas bien et que je vais voir une personne qui c'est son métier, d'accord. Après quand je sors de là-bas, je suis énervé hein, je m'en veux, genre je regrette, mais même en y allant, je sais que je vais regretter, c'est-à-dire c'est plus fort que moi, genre j'ai même pas envie d'y aller, vous voyez. Ouais, un peu comme quelqu'un qui est au régime, qui veut manger, qui sait que après elle va regretter quoi. Si tu veux, on peut le voir comme ça aussi éventuellement. Bah l'état d'esprit est le même en tout cas. Oui, l'état d'esprit est le même. Tu te mets dans les mêmes conditions voilà. Quoi. C'est que tu sais que tu vas faire un truc que tu vas kiffer, mais à côté de ça, après tu vas regretter de l'avoir fait. Non, c'est comme si que voilà, t'as faim, mais tu peux pas manger la même chose, t'es obligé à chaque fois de trouver autre chose. Mais t'imagines. Après au supermarché, tu l'as tout fait le supermarché, tu cherches des épiceries, des trucs ouvert la nuit et tout, tu trouves rien, ils ont tous la même chose. Voilà, en gros, c'est ça mon problème. D'accord, putain, c'est une angoisse. J'aurais pas été à ta place, mec. Non, mais putain. Je suis sûr que si tu vois une sexologue, elle va te débloquer le problème. Ah ouais, clairement, ouais. Après, si tu veux, tu peux essayer avec Sandro, peut-être qu'il va y avoir un déclic. Va te débloquer hein. Bah, une fois, et après, il voudra plus. Hein. Bah, tant mieux, tu cherchais un plan d'asseoir. Un plan cul suivi quand même. Ah, tu veux un plan cul suivi quand même. Ouais, d'accord, bah ouais, j'ai pas envie de changer tout le temps. D'accord, bah écoute, allez, Patrick. Oui. Je dis ça sans déconner, mais tu peux peut-être éventuellement voir avec le doc. Attends, on va. Ah ouais. C'est pourquoi que je l'ai appelé à la base. J'avais appelé le doc moi à la base. Ah bah d'accord. Bah t'as filé la mauvaise émission. Alors bouge pas, Patrick. Non, mais c'est pas grave. Il y a eu une erreur d'aiguillage. Bah oui. Attends, on va te réaiguiller. T'inquiète. Je te repasse Sandro et puis on va arranger ton problème. Enfin, en tout cas, on va essayer. Ouais. D'accord. Bah vous êtes gentil les gars. En tout cas, un gros big up à tout le monde là, les frérots. Bon bah merci beaucoup, Patrick. En tout cas, passe une bonne soirée. Merci Arthur également d'être passé. Hein. De rien. Je peux passer juste un petit message. Eh ben vas-y, dis-moi. En fait, voilà, je pars 3 mois en formation à Toulouse. Ouais. Et j'ai aucun contact, je connais pas du tout la ville. Est-ce que c'est possible de déposer mon Facebook? Oui, bah si tu veux, oui. Tu peux le déposer. Ouais. Bah dépose-le. Mets-le là-bas au fond la pile. Du studio. Tu le mets sur la pile. Bon, vas-y, bah si vous êtes de Toulouse, manifestez-vous. Arthur. Ouais. Arthur Touero, T-U-E-R-O. Voilà. Arthur quoi? Arthur Touero. Touero. T-U-E-R-O. Voilà. T-U-E-R-O. Bon bah voilà, si vous êtes de Toulouse, il voulait faire connaissance. Garçon, fille, les deux, t'en fous? Ouais, peu importe, hein, c'est pour la faire la mais tête. De préférence fille, quoi. Voilà. Ouais. On a bien compris, t'inquiète. Qu'elle soit bien propre. Voilà, bien propre, bien sûr. Oui, forcément, oui. Oui. Bon, mais merci Arthur d'être passé, tu reviens quand tu veux. Tu passes peine ou pas Oui, oui, tu vas gérer ça avec Sandro et avec Dexter, le stagiaire. Salut, salut. Bah, merci, frérot. À bientôt, Arthur. Allez, ciao à toi, merci. On va reparler des paris dans quelques minutes, restez avec nous. Et puis, on va se faire encore un petit appel avec Toff. Mais avec plaisir. Allez, c'est parti. Et puis, Toff, plutôt, j'espère que ça a marché ou pas alors Non, à mon avis, c'est mort pour ce soir. Oh, mais je le donnerai demain matin. Ah bah comme on pourra le savoir demain matin. Bon bah très bien, comme ça au moins on saura. Enfin, c'est-à-dire que là c'est bloqué, mais demain matin je le saurai puisque d'accord. Je relance la machine. Bon bah hashtag et Mickaël, continuez avec tous vos messages sur le Twitter de l'émission, n'hésitez pas. Et puis bah on va appeler encore une fois pour savoir si Toff peut éventuellement récupérer le sperme, puisqu'en France on ne peut plus faire de dons de sperme gratuits. Non, que gratuit. Merde, à chaque fois je confonds. On ne peut faire des dons de sperme que gratuits, du coup tu vas essayer de les avoir pour les revendre dans les autres pays. Exactement. Allez, c'est parti, on y va. On a appelé depuis tout à l'heure, on a appelé à Charleroi, on a appelé dans le sud de la France. Et là, je sais pas où on arrive, on verra bien. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si c'était possible de vous acheter un peu de sperme de votre mari. Un quoi ? Un peu de sperme. Oui, si tu veux, je t'en ai 2 litres, il en a tout plein, je peux t'en fournir autant que tu veux, petit con. Mais pourquoi vous dites ça, madame ? Allô ? Ah, mais petit con par contre, hein, ça c'est bien. Ouais, mais je comprends pas pourquoi elle dit ça. Bah, je sais pas non plus, alors tu veux rendre service dans un premier temps ? Bah, exactement, mais attends, je lui donner 50 euros. Bah, voilà. Bon, en tout cas, merci pour les numéros que vous avez envoyés hein, tout au long de la semaine et même ce soir d'ailleurs. Les numéros de Jean Encore Debout là, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, on rappelle. Allez hop, c'est parti, 1h40. Pas de pub, et puis prochain son, c'est Avicii qu'on va s'écouter avec Hey Brother. Maintenant. Bah oui, mais enfin madame, c'est pas très gentil de me dire ça. Bon, écoute bien, tu commences à m'emmerder, ça va aller mal pour toi mon ami, hein. Bah oui, mais enfin moi je veux juste vous acheter un peu de sperme de votre mari, madame. Écoute, t'as qu'à aller te branler, t'en auras tout seul du sperme. Mais non, parce que le mien, il marche pas, madame. Allô ? Ah non, mais elle a nouveau raccroché, tant pis, on qu'est-ce va rappeler un coup. Ah oui, oui, complètement, ouais. T'as qu'à te branler, t'en auras tout seul, elle a dit. C'est vrai ? Ok, essayez comme ça. J'ai pas reconnu l'accent. Allô. Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme, mais ça a coupé. Pour quelle raison ? Ben, je ne sais pas, justement. Moi, je vous appelais parce que je voulais vous acheter un peu de sperme, monsieur. Oui, mais attends, je vais te l'envoyer, hein, espèce de connard. Ah, j'ai déjà raccroché. Ah, c'était rapide. Ouais, moi je crois qu'on était nouveau à Charleroi là, non ? On dirait. Ouais, dans mon avis, en tout cas, dans le Nord, un petit peu. Ouais, ouais, je sais pas. Bon, ben on appellera d'autres tout à l'heure encore. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, toph@funradio.fr. Ça va, t'as du stock là en numéro ou t'en veux encore ? Ouais, t'inquiète. Bon, très bien. Si vous connaissez des gens debout assez tard et qui sont plutôt du style assez nerveux, n'hésitez pas, bien entendu. Il y a, c'est Angélique. Ah, pas mal, bien écrit. Il y a des bruits chelous chez moi. J'écoute Mickaël sur Fun Radio histoire de penser à autre chose. Des bruits chelous. Quel genre de bruit ? Il ne doit pas y avoir de bruit. Ah si, j'ai entendu le parquet qui craque. Ouais, moi aussi. Ah oui, effectivement, Angélique. Moi j'aurais les boules à ta place. Et hein. Le bruit de porte là. Ouais, le bruit de porte, effectivement, ouais. C'est bizarre. Attends, le bruit. Ah, il y a un petit bruit de pas là, non ? Il y a quelque chose. Attends, j'enlève la musique pour voir là. Attends. Ah il y a quelque chose. Ouais. Angélique, fais attention. Exactement, c'est ouais. C'est derrière toi. Ah merde, qu'est-ce qu'on fout à la plage ? Attends. Mauvaise porte. Ah oui, c'est la mauvaise porte, effectivement, oui. T'inquiète pas Angélique, tout va bien, nous sommes là. Nous sommes là pour nous sommes là pour t'aider, il n'y a pas de problème. Il y a Christophe qui dit Toff, c'est vraiment une raclure, il se jette sur tout ce qui bouge comme un crabe ladal. Exactement, il y a complètement. Ouais. Ta gueule, gros bâtard. Voilà, il y a Romain qui dit le seul mécanique est Batman et Alexou qui dit mets du Skrillex s'il te plaît ou du Knife Party. On a jamais eu du Skrillex cette semaine là. Si vous avez d'autres propositions, allez-y. Hashtag et Mickaël tout simplement sur le Twitter, le Facebook, vous pouvez demander également. Ou alors directement en appelant Sandro Sandard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. On va s'écouter le son d'Avicii maintenant, c'est Hey Brother sur Fun. Hey Brother. C'était Avicii sur Fun Radio comme promis avec Hey Brother. Il vous reste 10 minutes hein, si vous voulez choisir le prochain titre. N'hésitez pas, hashtag et Mickaël, pas de problème. Il y a Olivier qui dit aussi je m'en lasse pas de Avicii, il a toujours aussi bon. Et Damien qui dit acheter du sperme, ils sont cons les gens, ils peuvent gagner de la thune et ils râlent tout le temps. Non mais ça c'est vrai, hein, les gens râlent tout le temps. C'est un truc de dingue. Mais oui, alors que là c'est juste hop hop hop, une petite branlette, mais oui, 50 euros, bim. Mais oui, il y a Ludivine qui dit sniff, joue un coup de pelle pour aller plus vite. Pour aller plus vite où, je comprends pas très bien, mais tu le coup de pelle, cela dit, je peux te le donner, hein, c'est pas un problème. Et j'ai reçu un message de Pascal aussi qui dit encore moi et je vous écoute dans ma voiture et je suis plié de lol, continuez comme ça. Bah écoute, merci Pascal pour le message, c'est gentil. On va encore appeler d'autres personnes avec Tov dans quelques minutes et puis on va récupérer surtout Asdine, pardon là, pour les paris. Ouais, allô, t'es là Asdine? Ouais, je suis là. Très bien, ouais, on avait parlé. De quoi? C'est Asdine. Asdine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Asdine, ouais, très bien. Ouais, et donc, du coup, tu nous avais appelé parce qu'on avait lancé le sujet tout à l'heure, hein, des deux Anglais, deux idiots, qui avaient fait des paris stupides. Paris, donc, sur un match de foot Manchester-Arsenal. Et donc, bah, il y en a un qui avait parié sa maison et l'autre qui avait parié, donc, bon, la maison, déjà, c'est quand même scandaleux, ouais, mais bon. Chaud, hein. Mais l'autre, il avait parié la voiture et sa meuf. Mais t'imagines, tu dois dire à ta femme, bon, écoute, chérie, tu vas avoir cul, je t'ai perdu. Voilà. C'est genre, ça lui appartient, t'es trop du cul, là. C'est... Voilà. Ça se trouve, elle serait ravie, hein. Ah, c'est possible aussi, ouais. Et donc, du coup, je vous ai demandé ce que vous avez déjà fait comme pari, idiot. Et toi, Asdine? Ouais, donc, moi, comme pari de ouf, c'était il y a 3 semaines. Ouais. Et genre, je connais pas mal d'Italiens sur Palam. Ouais. Et j'étais posé. Et je rencontre un mec un peu, il parle italien, tout ça, on parle, machin. Bah, c'est mieux pour parler italien. Ouais, ouais, il parlait français un peu quand même. D'accord. Et on galère un peu à parler, mais on parle chinois. Ouais. On a plein d'atomes crochus. Et il me dit, oui, ce soir à Milan, j'ai des potes qui font un concert, vas-y, viens, on y va. Et je lui dis, vas-y, tu veux y aller comment? Il dit, en stop. Je lui dis, bon, bah vas-y, viens, on part dans 1 heure. Et donc, le but, c'était d'arriver à Milan vers 19h, 20h, sachant qu'on partait de Palerme à 17h, c'était un peu impossible. Et finalement, il y a un mec qui nous a pris, on a pris le RER, on est descendu dans une station dans 7 coin là, on a essayé de pécho une autoroute, après on est monté dans une caisse, le mec il nous a descendu à Lyon, et en fait on n'était pas du tout au bon endroit, il était déjà au moins 20h, on s'est dit on va pas rentrer dans Lyon, pour et en fait c'était un périple quoi. Et on a dormi dans la station, c'était la galère, j'avais plus de poivre de ma vie, quoi. On arrivait le lendemain vers 16h, 17h, on a quand même vu le mec qui rappait, mais ouais, c'était journée poivre, pari de merde. Mais j'ai pas compris le pari. Bah, le pari, c'était d'arriver à Milan, alors qu'on partait vers 17h de Paname, et qu'il fallait arriver à Milan vers 20h pour concert, quoi. Ah, faire Paris-Milan, genre en 3-4 heures, en stop, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, Paris réussi, finalement, perdu. Non, bah, Paris est largement perdu. Hein. On a passé Paris-Milan en 4 heures, quand on est arrivé le lendemain à 18h, quoi. On mais a tardi. Mais oui, mais c'était tellement improbable de faire le Paris-Milan, ouais, mais normal. Mais il y a combien de kilomètres entre Paris et Milan? Paris-Milan, il y en a 1000, je crois. Comment tu veux faire ça en 4 heures, je veux dire, même avec une Formule 1, c'est pas possible. Ouais, je sais. Si, Formule 1, c'est possible, mais il faut que ce soit tout droit, quoi. On a dormi sur l'aire d'autoroute, on n'avait pas de sac de couchage. En plus, c'est roupi, on avait rien. En plus, le mec, il va dormir. Alors là, c'est pas possible. Il y a une aire d'autoroute. Ouais. On n'arrivait pas à faire du stop, tu vois, genre vers... on est resté de 20h, il nous a déposé vers 20h à Lyon, et on est resté genre 3h à faire du stop, et personne prenait la nuit, on a dit vas-y, on se pose, on fume, on comprend pas. On était trop déchirés, on a dormi là, comme des clodos. Tu m'étonnes. Attends, il y a aussi Xavier avec nous de Saint-Etienne, là. Salut Xav. Salut l'équipe, comment ça va? Ça va et toi? Salut. Ça va, tranquille. Bon, bienvenue à toi Xavier, là. Ça va Xavier? Non, il y a Nick Sebolès, là. T'es sûr? Non, non, tranquille. Ah bon, hein. D'accord, ok, ça va alors. Bon, alors, tu voulais réagir aussi, toi, vas-y, on t'écoute, bienvenue. Ouais, bah, moi, quand j'étais petit, je devais avoir 10-11 ans, avec un collègue, on a fait un pari, qu'on devait faire une grosse connerie devant les parents. Ouais. Et bah, moi, du coup, bah, j'ai été vers ma sœur et je lui ai cassé le bras. Mais t'es un ouf! C'est honteux, c'est honteux. Normal. Normal, le gars, il sort. Oh merde! Dingue, toi, la pauvre! Eh, mais toi, t'es un ouf! Mais pourquoi tu lui as cassé le bras? T'avais pas autre chose à faire? Bah non, en fait, j'ai pas trouvé d'autres conneries à faire. Une tu veux pas lui jeter un verre d'eau, lui jeter un seau d'eau, enfin tu bah vois non, un truc... C'est une grosse connerie et toi, un truc... Ah ouais, non, là c'est une grosse, quoi, ouais. Tu vois. Ah bah mec, je te confirme que c'est une grosse, là, c'est un truc de ouf, ce que t'as fait. Elle a eu des broches et elle a eu un plâtre pendant 6 semaines. Oh et tes parents, ils t'ont massacré la tête ou pas? Ah ouais, grave. Ah putain. C'est bien fait pour ta gueule. Ah ouais, franchement, ouais, mais qu'est-ce qu'il est con alors? C'est un truc de fou, Xavier. Et ta sœur, elle doit te détester. Bah non, du coup non, parce que le collègue d'Haïti, on a fait le pari. Mais c'est un truc de dingue. D'accord, t'imagines, attends, on va faire un pari avec Sandro, je vais lui péter la cheville. Ouais. Pour voir, pour vas-y, essayer, allez. Pour voir. Vas-y. Bah attends. C'est débile. Et l'autre, il dit vas-y, Xavier. Bah oui, mais c'est con. Y'a rien de drôle en plus, c'est même pas drôle. Chose, hein. Oui, ah bah on a compris. On fait un pari, moi je vais lui casser le cul. Bon attends, il y a Anna aussi avec nous de Rennes. Ah, là. Ça veut dire que t'es consentante? Non, j'ai dit c'est drôle. Alors, ah, bonsoir. Bah ça va Anna, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, tranquillement Anna. Alors Anna, toi t'as déjà fait des paris à la con ou pas? Je sais pas, oui, mais combien de mesures d'abord Paris... ah, attends une seconde, il y a Toff le gros porc là, qui doit encore arriver là. Alors Anna, combien mesures-tu? 1m54. Combien pèses-tu? 48 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85B, 95B. Et la tête des pantalons que t'as acheté? 34. Ah oui. Voilà, bienvenue Anna. Merci. Bon, alors, toi, tu as aussi fait à Paris la merde à la merde, à la con. On va dire ça comme ça, avec un ami. Je dois passer sur, sur votre radio. Ah, j'ai peur. Non, c'est ça le pari. Et faire une annonce comme quoi je suis célibataire. Ah bah, attends, très bien. Je suis totalement disponible. Parce qu'on devait aller à Londres ce week-end, mais Toff est à la Rennes. Hein. Bah ouais, c'est pas sur le chemin, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Bah, si tu peux faire un petit détour et venir me chercher, je suis disponible. Bah, écoute, j'arrive, cette meuf. Tu te rends compte de, tu vois te pas rends compte de t'as déjà du fait malheur la tête que t'as. T'as déjà fait la tête de Toff. Mais oui, mais faut arrêter de le clasher, il est gentil. Mais on le clash pas, on l'insulte, c'est tout. Ah non, c'est faux. On l'insulte pas, on ne fait que dire la vérité. À aucun moment on a menti sur Toff. Ouais. Au contraire, on a même parfois caché la vérité. Ouais. Oh là là. Ah ouais. Ouais, Anna, donc, mais c'est pas grave. Non, mais attendez, c'est vrai, hein. C'est vrai, véridique. Hein. Heureusement que tu es là pour me soutenir, Anna. Ouais, bah tu parles, ouais. Ou alors t'es vraiment chien, Anna, en fait. Non, pas du tout. Non, je cherche une relation sérieuse. Et puis moi, t'as bien, Anna. Moi, je fais les cunis. Ah super. Non. Ah comment ça, non, tu t'aimes pas? Non. Non. Va avec Polo alors. Attends, t'aimes pas les cunis, Anna? Non. Mais comment ça? Mais c'est dégueulasse. Bravo, merci, ah bon, Anna. Et sale. Non, j'aime le sperme. Hein? C'est dégueulasse. Mais, et ça? Je te sucerai le sang et tout, tu verras. Non? C'est mon petit Gilou. Ah oui, c'est Gilou, exactement. Oh, écoute. Et au fait? Oui. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui. Bon, j'ai envie de dire tant mieux alors. Bah, si ça va bien. Ah oui, après tu prends mon chemin et puis tu guides. Et ben voilà, et puis tu vises, y a pas de problème. Bon, bah écoute Anna, Paris réussi, t'as gagné quoi? Bah c'était soit je faisais ça ou soit je lui offrais une cartouche de cigarette, je veux pas. Ah bah t'as bien fait alors, effectivement, ouais, oui. Bah, c'est bien. Très donc bien. Voilà. Bon bah, merci parfait à tous, ce serait obligé d'avoir un petit cadeau. Eh ben oui, on va te filer un pack fun. Merci, c'est gentil, bisous à toute l'équipe, je vous embrasse très très fort et merci d'embellir nos soirées, c'est magique avec vous. Avec plaisir. Merci beaucoup, gros bisous. Mais c'est toi qui es magique, Anna. À bientôt, je vous aime, Anna. Bisous, merci. Bisous. Moi aussi, bisous. Je t'aime, Anna. Ciao, Anna. Bisous, ciao. Il y a Eddy aussi qui est avec nous d'Avignon, là. Salut, Eddy. Salut. Comment ça va? Ah, ça va, tranquille. Hein. Bon, bah tant mieux. De quoi? Toute l'équipe va bien? Ouais, ah bah, toute l'équipe, bien sûr. Bah, toute l'équipe va bien, totalement. Vous êtes déséquilibré? Oui, un petit peu, effectivement. Ouais, mais ça, c'est pour Toff, ça, évidemment. Vous allez vous faire encadrer. Oui, voilà. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Bon, alors, ça, du ça coup... Ça va bien, Toff. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, toi, dis-moi? Bah, moi, j'appelle pour les paris. Hein. Ah, vas-y, balance. Moi, l'été qui est passé, là, j'ai recouché avec mon ex. Ouais. Mmh. Bravo. Rien de particulier, hein. Non, ça arrive à tout le monde, sauf que le petit détail, c'est qu'elle allait se marier. Bravo! Ah bah félicitations là, bravo! Ah bah, ouais, mais c'est un dégueulasse. Non, ça c'est encore gentil pour l'instant. Ta gueule. J'ai couché avec elle. Ah, c'est pas fini encore. Pour son enterrement de vie de jeune fille. Ouais, bon. Et pendant l'enterrement de vie de jeune fille, donc on a couché ensemble, elle m'a dit t'es pas capable de venir au mariage et annoncer à tout le monde pour la coucher ensemble. Oh. Et ta mère, elle emporte les chutes gorges ou pas? Et donc, je suis allé au mariage. Oui. Mais attends, je vois déjà le truc arriver, mais attends, la meuf, elle est complètement con en fait. Ouais. Ou alors elle voulait pas se marier. Je crois qu'elle avait pas trop envie, quoi. Bah elle peut pas dire non, cette débile, au lieu de faire tout ce cinéma. Bah ouais, mais bon, tout était engagé, donc c'était un peu trop tard, quoi. À 2 jours du mariage, c'était un peu dur d'annuler, je pense. Bah enfin, ça reste quand même plus... alors vas-y, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, je suis venu le jour du mariage, son mec a pas trop apprécié déjà me voir dans la mairie. Sans déconner. Et quand j'ai annoncé à tout le monde que j'avais couché avec elle 2 jours avant, ça a un peu coincé. Donc son mec, il a dit, c'est vrai ou pas? Elle a dit, oui, c'est vrai. Oh. On s'est un peu battu à la mairie. Un peu, oui. Ah bah oui, tu m'étonnes, juste un petit peu, hein. Ah ça va, c'est un gringalet, donc ça allait. Ouais, juste une bafoue d'eux, quoi. C'est ça, vas-y, ouais, continue. Voilà, juste... Et finalement, j'ai récupéré les comptes, c'est moi qui suis parti en voyage de noces avec elle. Bon, je l'ai pas épousée, hein, je te rassure. Hein. Ah, t'as juste pris le voyage, toi. Oh là là, comme c'est rassurant. Bah oui, donc. T'as juste pris le voyage, toi, c'est ça? Bah, je suis parti avec elle. Bah oui. Vous êtes déséquilibré. Bah oui, bah complètement, ouais. Bon, bah écoute, finalement, ça s'est plutôt bien passé pour toi, quoi. Ah, pour moi, nickel. Pour elle, bah finalement, elle s'est pas mariée, mais bon, on a fait un bon voyage de noces. Bah oui, oui, bah ça va alors si vous avez fait un bon voyage. Bah oui, voyons les choses positives, comme d'habitude. Ah bah très bien. Ah, pour moi, c'est nickel. Tu m'étonnes. Et depuis, bon, plus de nouvelles ou pas? Ah si, on se revoit de temps en temps. Ah ouais, d'accord, histoire de faire les choses bien, quoi. Voilà, histoire de nettoyer un peu la cheminée. Ouais, non, des crassages, quoi. Classe. Bon, bah merci, Eddy, d'être passé. Et une étui dans les cheveux, un peu comme Toff. Ah non, c'est Polo qui s'essuie dans les cheveux, pas ouais, confort. Ouais, Polo, Toff, c'est pareil. Ah non, non, quand même pas, quand même pas, quand même pas. Il y en a juste un qui a pas de cheveux. Oui, exact. Oui, ça, d'accord, ça c'est vrai, effectivement, c'est Polo. Bon, bah merci, Eddy. Il y a pas de cheveux, il y a un qui est gros, c'est ça? Non, c'est le même, c'est le même qui a pas de cheveux qui est gros. C'est le même? Non. Oui, qu'est-ce qui se passe, Asdine? Il y a moyen de passer Sandro vite fait. Ouais, je te repasse, vous repassez tous par Sandro, il n'y a pas de problème. Vas-y, ok. Il y a moyen d'avoir un pack? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro au standard et avec Dexter, le stagiaire. Ouais, moi je viens pas de gratter un cadeau, hein. J'offre un cadeau à Sandro direct. Ah, tu lui offres un cadeau, toi? Parfait, ouais. Asdine, ouais, je te repasse Sandro, alors il n'y a pas de soucis. Je voudrais vous demander un truc aussi, moi. Vas-y, Xavier, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je voudrais savoir pourquoi tout le temps vous taillez Toff et Polo mais que personne taille Mickaël en fait? Bah parce que y a rien à tailler sur moi, je suis parfait. Mais oui, Mickaël est parfait, il est l'homme idéal. Et moi on me taille pas, c'est mais juste attention, Toff, parce ouais, que c'est une merde. Ouais, Polo on le taille pas, hein, Toff on le taille et on le taille pas. C'est pas qu'on le taille, c'est la vérité sur lui. Ça. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on ne dit pas que c'est un gros connard pour le tailler ou pour être méchant, on dit que c'est un gros connard parce que c'est un gros connard. C'est un fait. Change de vie alors. Hein. Ah oui, non mais il veut pas, il est content d'être un gros connard. Moi je vis très bien. Mais comment il fait pour vivre avec ça, tout le monde l'a su. Oh mec, et si tu savais. C'est pas chaud pour toi. Si c'est tu savais avec quoi d'autre vie. C'est une passion. Exactement. J'adore le week-end, je m'habille en cuir et on me fouette. Ouais, voilà, et il est content comme gueule. Ça. Exactement, ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Mais tout ce qu'on dit sur toi fait de la vérité vraie. La vérité vraie. Il est chelou ce mec en vrai. De quoi? Il est chelou ce mec. Ah complètement. C'est un barré. Ouais. Non mais c'est vrai, hein, je suis différent, Xavier. Ah oui, ça c'est moi qu'on puisse dire, effectivement. Mais voilà, Xavier, comme ça tu as la réponse à ta question. Ok, bah voilà, ok. Bah écoute, avec plaisir. Tu reviens. Je pourrais avoir un petit message de bienvenue. Vous êtes terrible en fait. Évidemment, un message de bienvenue. Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barder. Ta gueule. Ok, pas de problème. Voilà, t'en as même eu deux, tiens, pour le même prix. Salut Xav, merci beaucoup. Hein. Salut, je peux passer par Sandro pour rejoindre la Spockfan. Y'a pas de problème, Xavier, je te la repasse sans problème. Salut Xavier, à bientôt. Salut, à plus. Ciao. Bon, Toff, un dernier appel, là, on speed avant de partir. Allez, vite fait. Allez, vite fait. Bon, il est 2h, ça va. Bon, c'est parti, on rappelle pour les dons de sperme là. Enfin, pour essayer de négocier le sperme pour revendre après. Pour les gens, pour l'instant, les gens ne veulent pas. Hein. C'est catégorique. Allez. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si c'était possible de vous acheter un pot de sperme, monsieur. Comment? Non, je voulais savoir si c'était possible de vous acheter un peu de sperme. Ah, ça l'a fait rire apparemment, donc c'est bien, hein, on va le rappeler encore un coup quand même. Avec un peu de bol, t'auras peut-être un client. Hein. Allez. Allô. Oui, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, on a été coupé, monsieur. Allô. Oui, non, je ne sais pas ce qui s'est passé, nous avons été coupés. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous plaisantez ou quoi? Mais pas du tout, je voulais vous acheter un peu de sperme, monsieur. Pas pour mon air, Fada. Pardon? Là on était dans le sud de la France par contre, le Fada là. Je suis un Fada. Ouais, attends, on rappelle encore un coup quand même, hein. Oh putain, Fada. Mets ton numéro d'abord avant de parler. Si tu m'appelles masqué là. Mais c'est parce que c'est bloqué dans le téléphone, monsieur. Alors mets ton numéro. Mais je peux pas, mais je peux vous le donner si vous voulez, monsieur. Alors qui tu es? Moi je m'appelle Toff. Et alors qu'est-ce que tu veux? Mais en fait je voulais savoir si je pouvais vous acheter un peu de sperme, monsieur. C'est trop cher pour toi. Ah bon, vous le vendez combien vous, monsieur? 3 millions. Ah oui, c'est... Mais vous êtes sûr qu'il est de bonne qualité à ce prix-là? Mais t'es pas un peu con, toi? Pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça? Parce que t'es gaga, on va promener. En tout cas, il était un petit peu dur de la feuille, hein, vu le son de la télé. Oui, si c'était lui, je mettrais encore plus fort. Oui, je ne sais pas quelle chaîne il regardait, mais il l'a regardé, hein, ça c'est sûr. Bon, et il y a message aussi, il y a Prise qui dit... Pierce, qui dit « J'ai 19 ans, je peux avoir la chanson, s'il vous plaît. Je vous écoute depuis mi-août, jamais eu de message de bienvenue, j'aime beaucoup vous. » Bah, nous aussi, on aime beaucoup toi. Bon, musique alors, attention, vas-y. Voilà, bon anniversaire pour les 19 ans de Pierce. Bon, voilà, c'est un cadeau. Évidemment. faut surtout écouter la fin. Attends, les cheveux, ils sont où les cheveux? Ah, ça y est, je me suis suivi. Voilà, ça y est, bon anniversaire. Message aussi de Pascal qui dit: je vous écoute depuis New York et là il est 7h51 du soir et je voudrais un message de bienvenue et une baffe à Toff. Avec plaisir, hop là. Ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà. Ta gueule, une bonne claque est faite là, merci. Oh, et premier New York. Ah, c'est bon ça. Devant The 100. Ce serait bien, ce serait bien. Bon, Sarah qui dit c'est déjà fini. Bah oui, c'est déjà fini. Oh. Stéphanie qui dit: moi j'ai parié que si un jour je me mariais, je disais non et je partais en courant de l'église. Ah bah bravo. C'est malin ça, tiens. Un bon pari ça aussi. Bah oui, c'est un bon pari, ouais. Et Sayaruka qui dit: eh oui, il y a des filles qui aiment pas les cunis. Mickaël, sois pas choqué. Non, mais après, je suis pas choqué, hein. Mais, c'est pas que j'aime pas. C'est que les boutons. Oui, il y a les boutons, mais l'autre il est casse-couille avec ses boutons là, l'autre il mange une sardine. Non, il mange un cheeseburger, oh, j'ai mal au ventre. Il mange une crevette, il a le visage qui gonfle. Un vrai casse-couille quoi. Et Damien qui dit: il faudrait qu'il se rende compte de la chance qu'il a de vendre son sperme à Toff. Ah bah oui, tu penses évidemment, hein, quelle chance. Quelle grande chance. Bah bon, oui. Mais on va pas faire de top tweetos ce soir parce que la machine est en panne. Malheureusement. Mais on vous dira demain matin du coup qui était top tweetos, si ça remarche d'ici là. Bon oui, ça devrait. Bah j'espère. Les Americans sont dessus. Bah ouais, normalement dimanche soir en tout cas ça sera reparti. Hein. On sera de retour nous dès dimanche soir à partir de 20h. Merci également aux auditeurs qui sont passés nous dire bonjour ce soir. Mais votre micro pour dire bonjour quand même ou au revoir. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors toi, on t'a pas du tout entendu. Salut. C'est-à-dire qu'elle a dit bonjour, elle a ouvert la bouche, elle fait... Ah bon? C'est genre... Ouais, on est 150 000, tout le monde va dire bonjour, allez, écoutez, premier. Voilà, deuxième, troisième. On est blindés dans le studio, hein. On a vu tous ces gens là, il y en a blindé, c'est un truc de ouf. Bon mais merci pour les petits chocolats, hein. Je parie que Toff a tout bouffé comme d'habitude. Bah évidemment. Bah voilà, c'est ça, au moins la bonne moitié, non? Bah pas loin. Peut-être pas, mais je viens de quoi digérer quand même. Et l'eau de vie là, c'est quoi l'eau de vie? Ah oui, il y a eu de l'eau de vie. Calva. C'est du calva. Ah, c'est du calva. Calva, ouais. Attention, on fait dans la ferme à l'ancienne, mec, ça. Waouh! Bah, ça pue pas, ça sent l'eau de vie. Non, c'est violent. Je peux pas vous faire sentir au micro. Vas-y, mais... on va sentir une espèce de con. Ouais. Oh la vache! Non, je l'ai senti tout à l'heure. Bon, j'ai le nez un peu bouché, c'est vrai. Ah bah mais oui, bah. Mais ça s'est plutôt bien passé. Je l'ai pas bu, j'ai. Non, ça va, ça s'est plutôt bien fait. À l'ancienne. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup pour ce. C'est vrai, c'est à l'ancienne. On va se l'enfiler là. Voilà, c'est à l'ancienne. On va boire un petit verre. Bon, en tout cas, nous, on part. Vous pourrez nous suivre tout le week-end si vous voulez. On part demain à Birmingham pour aller voir un concert de 30 Seconds to Mars demain soir. JB qui sait pas ce que c'est, mais c'est normal, il n'a pas de culture. Donc voilà, le groupe de Jared Leto qu'on ira voir demain. On fera meilleur des photos, ami des Michael. Vidéos. Bah, ou meilleur ami pas, mais ami. Bon voilà. Non, certainement pas, mais voilà. Donc on va voir, on prendra des photos, on vous mettra ça sur le site. Samedi, dimanche matin, on sera à Londres. Et puis on fera des photos également. Vous suivrez ça sur Facebook, Twitter, Instagram. Et dimanche soir, on sera de retour à la radio avec du lourd, puisqu'on aura dimanche soir des ordinateurs portables à vous offrir, des écrans plats également 32 pouces LED. Et puis en plus, dimanche soir, je vous offrirai votre paire de Hug. Waouh! Sympa pour l'hiver. Voilà. Ouais, donc, et les mecs, vous allez pouvoir gagner votre paire de Hug pour les meufs. Ouais. Et alors, ça vous donne, on a calculé un peu, ça vous donne normalement un crédit de 10 parties de jambes en l'air. C'est ça, hein? Toff, on ne dérange pas. Non, non, tu ne dérange pas. D'accord. Donc, c'est comme il était déjà sur son portable. Enfin, comme il n'est pas là, c'est la soirée. Je suis en train d'essayer d'avoir le top tweetos avant la fin de l'émission. Le mytho. Il essaye de battre son record à Candy Crush. Depuis le début. Vas-y, regarde. Voilà, il est sur Candy Crush. Il est sur Candy Crush. Ça, voilà, c'est ça. Exactement. C'est un truc de scandaleux. Donc voilà, donc on sera. Suivez-nous tout le week-end. N'hésitez pas à prévenir vos potes. Ajoutez-nous sur le Twitter et je vous ajouterai également. Tapez @MIKAEL_officiel, bien sûr. Et puis sur le Facebook, facebook.com/MIKAEL_officiel. On se fait le générique de fin. Attention, mesdames et messieurs, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton ongle. Comme toi. De merde, toi l'enculé. Tu ton ongle, t'es un enculé. Tu veux plus dormir ou bien manger toute la journée. Ah bah alors vous êtes un salaud, vous êtes même un dégueulasse. Ferme ta gueule, gros bâtard. Espèce d'enculé, ta gueule quand même. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Toff est en train de jouer à Candy Crush. Pitoyable mais pas digne de pitié. Quel cauchemar. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé. Tu l'es. ça te fait enculer. Et toi ton oncle c'est l'enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Ma bite. Eh ben voilà, merci Lilou, comme d'habitude. Merci à vous toutes et à vous tous également d'avoir passé la soirée avec nous. On s'est bien marré, on reviendra donc dimanche comme promis. Et puis bah passez un excellent week-end, amusez-vous bien à dimanche et on sera au top comme d'habitude. Et je compte sur vous d'ailleurs évidemment pour être là à dimanche. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et puis on va pas partir évidemment sans saluer notre ami notre ami. Ça y est, t'as le top Fitos. Ouais, je l'ai. Tu te fous de ma gueule? Non, je l'ai. Bah, écoute, je viens de l'avoir là. Ah bah ouais, bon alors numéro 5. Alors numéro 5 parce qu'il est un peu mal foutu celui-là. Donc c'est Chess Machin là, 08000. Chess Machin, il va être content tiens. Numéro 4. Alors c'est Paul PC28. Ouais, numéro 3. Alors c'est XMLOCR7. C'est pratique. Numéro 2. C'est Quentin DR21. D'accord. Et numéro 1. Et en fait je me suis trompé. Mais c'est pas grave. C'est ça, c'était le numéro 1. Oh. Et donc en fait c'est le numéro 5 que je te donne maintenant. C'est Nicolas Meillant. Oh là là. Ah mais là il y a sanction là. Il y a sanction, c'est-à-dire que déjà j'ai trouvé un truc pour pouvoir l'avoir alors que ça marche pas. Non, en fait c'est il a pas eu le top tutos parce qu'il a joué à Candy Crush la soirée. Oui, c'est bah oui, c'est ça. C'est juste ça, que là il vient de se connecter, c'est aussi simple que ça, c'est un truc de dingue. Voilà. Oh là là là là là là, je vous jure, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, bon, sinon, donc c'est Quentin DR21 qui a gagné son sextoy. Bon, ben bravo à Quentin DR21 là, pour le sextoy. On prendra contact avec toi, n'hésite pas à me faire un petit message sur le Twitter, tu m'envoies un petit message privé avec ton numéro de téléphone et puis on te filera ça évidemment avec grand plaisir. JB qui va reprendre le relais. Ouais, vous allez où ce week-end? On va à Birmingham demain et à Londres après-demain. Et donc voir quoi? 30 seconds to Mars. Ah ouais. Bon, moi je préfère Bounty que Mars, mais enfin bon. Oh la vanne. J'en parlerai. J'ai été cuisiné sur le moment parce que votre groupe, je connais pas. Tu connais pas ce groupe? Non, si de nom, mais c'est pas ma cam. Non, non. Ouais. Non, mais attends, tu vas voir, il y a un morceau. Quoi, JB, tu exiges? Bon, d'accord. Il fait le malin. Attends, mais il y a une chanson qu'il avait repris un son dance floor, figure-toi. Oh là. C'est vrai. Et je vais te faire écouter, attends une seconde. Quoi, JB, t'en as rien à foutre du sous-chef? Eh ben bravo, attends. Bravo, JB. Il a fait ça. Reprise de Lady Gaga. Ah ouais. Ça t'excite, hein? Bad romance. Oh bah c'est facile. C'est quoi? Bad romance. Ouais, mais comment te dire que tu chantes quand même moins bien, hein, sans le coup, hein. Bah, allez, vas-y, essaie de chanter comme ça. Non, ça va, attention. Je connais pas les paroles. Tu connais pas les paroles d'une chanson d'Anne Flore? Non, c'est de Bad Romance, je connais pas. Eh ben, je m'en parle à Jérôme. Bah, si tu veux. Non, tu veux pas? Et si on écoutait les Goulding? Bah, JB. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas la chanson forcément la plus connue, mais je vous ai mis hier, non avant-hier, un extrait de This Is War. Voilà, vous pouvez l'écouter, comme ça, ça vous donnera. Ça mettra de votre culture. Si vous connaissez pas, on sait jamais, c'est vrai que c'est pas le groupe le plus connu du monde. Ouais. Bon, eh ben, on va vous laisser avec JB. Sans oublier à 6h. Qu'est-ce qui se passe à 6h? Qu'est-ce qui se passe à 6h? Qu'est-ce qui non, tu restes bloqué. La France. Je suis là déjà. Vous voulez pas qu'on fasse un essai chacun? On essaie d'imiter Bruno et les auditeurs votent avec le hashtag Mickaël. Qui imite le mieux Bruno? Allez, vas-y, allez. Allez, Mickaël commence. Non, mais il faut faire une phrase au moins. Ah ouais, mais mec, c'est pas que le dos. Allez, c'est pas que le dos ce matin, si vous voulez, 6h. C'est pas que le dos. Alors, je t'explique pas le délire, mais mec, c'est du los. C'est au-delà de ça. C'est mec. Au-delà. Alors, là, mec, France. C'est au-delà de tout. C'est vrai qu'il dit souvent ça. Bah oui, ouais. Ah, c'est pas que c'est au-delà là, c'est encore plus au-delà, tu vois. J'ai la PS4 à vous offrir la semaine prochaine, c'est pas du dossier, ça c'est encore au-delà du los. Pas mal. Ah, bon alors vas-y à toi. Mais moi vous l'entendez tous les soirs, je vais pas faire mieux que d'habitude, hein. Non, bah, par contre je peux faire pire, c'est pour ça qu'on repose la question quand même. Vous savez que Bruno, c'est pas mon prénom, c'est mon nom de famille. Parce que en fait je m'appelle Kinder Bruno. Mec, c'est pas mauvais, c'est archi à chier. Il est caché, il se cache sous la table. Oh, putain, ouais. T'as pas honte. Votez pour moi, Mickaël. Tu mériterais que Toff te roule une deuxième pelle. Non, n'importe quoi. Ah, si, si, c'est vrai. Non, et on change pas les règles en partie. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, Polo. Ça va. Ah, j'arrive pas. Bruno, je t'aime. Respect. Attends, mais il y a des choses que je peux pas dire. Attends. C'est pas que... Un mauvais mec, c'est pas que le mec. Et c'est pas que le dos. Ah, ouais, c'est pas mal. C'est pas que... C'est pas que le dos va être bourré. Je, je fourre le dos. J'en ai rien à trop, mec. Je m'en branle. Très bien. Et Toff. Oh qu'il est mauvais. Oh putain qu'il c'est est mauvais. C'est tout. Vas-y, fais un peu de voix. Fais un peu de voix là. C'est pas que le dos. Oh qu'il est mauvais. Oh il est mauvais. Oh de la merde. Et Sandro. Oh, ah oui. Vas-y Sandro. Vas-y Sandro. Attends. Ma belle, c'est pas que le dos là, c'est au-delà quand même. Mais prends pas ta voix normale. attendez, hey, je vais imiter François Hollande. Ça va, bonjour, c'est François Hollande. Non, pas oh, mal, là, putain. Imite Louis de Funès. Bonjour, c'est Louis de Funès. Oh là là. T'es trop malaise, putain, Polo. Le talent là. Attends, imite George Clooney. Ah ça c'est un peu plus attention, dur. Attention, l'accent et la voix aussi hein. Bonsoir, c'est George Clooney. Sur Fun Radio. Putain. Sur Fun Radio. Waouh. Putain, un talent d'imitateur là. Ouais, franchement, ouais, je ne connaissais grâce pas à Sandro, ça. Sandro, tout ça. Hein. Non, mais bravo quoi. Putain, vraiment top. Hein. Bon, on va se quitter là parce qu'on se fait chier. Hein. Allez hop, on s'écoute Gilo avec On the Floor. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah bien. Voilà. C'est la Macarena. J'ai oui, c'est la Macarena. Non, c'est pas Macarena, c'est la Lambada. La Lambada. Allez, on se retrouve dimanche à partir de 20h juste après le Rodez. Ciao tout le monde, je vous embrasse.